Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, 23h30, enfin comme d'habitude, avec un peu de délai. Vu. Comme d'habitude. Non, c'est bon. Non, t'as dit. Si, parce non. Qu'on va en parler ce soir, je m'en fous. Oui, on aura de la musique aussi plus tard et je pense que ce sera légèrement mieux que toi quand même. Ouais, c'est pas faux. Oui, bah, ça serait dur. Ça sera moi, donc ça sera mieux. Alors, je suis pas sûr non plus. Alors, cette émission vient de se terminer. C'est fini, au revoir. C'est bien. Pour une fois, on est bien. Ouais. Non, donc ce soir, on va parler instruments de musique. Ouais. Donc, ce qui accompagne généralement les chanteurs. Hein. Oui. Mm-hmm. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais, je te confirme. Ouais. Souvent, les chanteurs, alors s'ils chantent sans instrument de musique, ça doit porter un. C'est pas a cappella. C'est a cappella, oui. Ouais. C'est ça. C'est a cappella. Ouais. D'accord. C'est bon, de toute façon, ils chantent où ils veulent, hein, a cappella ou ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Tu peux chanter à Porto. Ouais. Mais ça veut dire qu'on a un instrument déjà en soi-même qui est la voix. La voix. Tout ce qui produit un son, de toute façon, peut servir d'instrument techniquement. Quand tu pètes, pètes, tu mets un string. C'est un instrument, une corde. Ça existe. Il y a des gens, ils prennent des bruits du quotidien, ils en font des musiques. Ouais, bah ouais. J'aime beaucoup l'image avec le l'instrument et une corde. Celle-là, on me l'a fait quand j'étais jeune tout le temps. Et maintenant, tu te dis donc je vais la faire tout le temps et ça va rattraper. Ah, pour une fois qu'il pouvait la passer dans PK. Ah, quand t'es sur le fil du rasoir, t'as qu'une corde. Hein. C'est ça. Les gens qui marchent sur un fil, ils font déjà de la musique, surtout quand ils tombent. Alors là, ils te font des vocalises. C'est vrai. Qui casse tout. Ouais, mais on avait pas Pikachu, c'est qui casse tout. dans l'émission de son et bruitage, je sais pas si vous en rappelez, on avait parlé de ça, de ce qu'ils utilisent au cinéma, par exemple, pour faire la pluie, ils utilisent des trucs de la paille ou genre de trucs. Ouais. Ça aussi, c'est un son. Ça aussi, ça peut servir entre guillemets d'instrument de musique. tu le bouges, tu bois, tu le fais craquer, ça peut te servir. Ça peut te faire une instru. Hein. Non, mais par contre, en général, quand tu te retrouves sur la paille, tu fais pas de musique avec. Hein. C'est vrai. Oui, non, ça, c'est sûr. Tu la manges la paille. Dans tous les cas, ce soir, c'est les instruments de musique. Oui. Les instruments de musique, c'est bien. T'as déjà fait l'instrument de musique, toi? Est-ce que ça répond à tes questions? Ok. Bon, on va passer à Jade. Moi, je joue qu'un seul instrument de musique, c'est ma voix, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est un de plus que Kevin. C'est un de plus que moi, donc c'est bon. Thierry, combien de plus que Kevin? Moi, j'ai fait un petit peu de guitare, j'ai un clavier aussi, mais bon, après, voilà, faudrait s'y remettre. Mais bon, j'ai quelques instruments à la maison. Mais oui, la voix, je connais bien la voix, ne serait-ce dans mon métier. Hein, je pense que je suis un pro de l'utilisation de la voix parce que j'utilise quand même pas mal dans une journée. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlera de ce qui arrive. Alors, je précise, je suis formateur. De ce qui arrive généralement aux profs lorsqu'ils prennent leur retraite, il leur arrive quelque chose à la voix. Cassez la voix! De savoir pour mon prof de musique alors. C'est astro, hein, parce que c'est vrai que quand t'es prof, t'as une certaine façon de parler déjà tout court à tes élèves. Quand il n'y a plus d'élèves, ça doit être bizarre. Il arrive un peu la même chose aux chanteurs. Il y a tous les gens qui utilisent beaucoup leur voix. Il y a un truc qui peut se passer et il y a un spécialiste qui peut gérer ça. Ok. Et il y a un spécialiste pour la voix de Daniel? Non, il n'y en a pas, non. Ouais, non. Je pense qu'il est mort déjà. Non, moi j'ai essayé de faire de la musique, comme je vous ai dit plusieurs fois. Curieusement, j'ai toujours joué dans le contretemps. Alors quand je joue tout seul, ça va. Mais quand je suis en groupe, j'étais toujours dans le contretemps. Mais quand on filme, t'es dans le contre-champ aussi. Je suis toujours dans le contre. Hein, contre, ouais, contre, voilà. Contre-courant. On n'a même pas parlé. Je suis contre. On a comme ça. Antisocial. Moi j'ai déjà joué de deux instruments dont un je jouais du piano quand j'étais plus jeune. Ouais. J'ai appris vite fait, mais très vite fait parce que ça me cassait les couilles d'apprendre du solfège. Attention. Juste ça m'a tué. Et ça c'est les restes de guitare de Daniel. Ouais. Autant dire ça vole pas haut. Voilà, et vous comprenez pourquoi j'en joue pas maintenant. Hein. Oh, par contre je maîtrisais un instrument à la perfection. Il y a 5 notes. Pas compliqué. Au clair de la lune. Instrument à une corde. Instrument à une corde. Attention. Le string. Une corde en métal sur un instrument de capoeira qui s'appelait le berimbau. Ou qui s'appelle toujours d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Et l'instrument a dû survivre. Oui. Ouais. Et oui. Ça pour ceux qui connaissent pas. Berimbau, c'est un genre d'arc géant qui fait, je dirais, pas 2 mètres, mais pas loin. Avec une ficelle en métal. Comme un arc, hein, vous imaginez le look. Et en fait, tu le tiens à l'envers d'un arc, genre l'arc normalement tu tiens le bois et la corde vers toi. Ouais. Bah là la corde elle est à l'opposé du morceau de bois, le morceau de bois il est collé contre toi et t'as une petite pierre et tu grattes sur la guitare, enfin sur la guitare, sur la sur la ficelle en métal, on va dire. Ouais. Et ça fait des notes différentes selon comment tu tiens la ficelle, ou est-ce que tu la tires sous le caillou ou dessus le caillou. Voilà. Donc en fonction de comment t'es, ça fait un bruit différent. Et puis si tu veux jouer le niveau expert, t'as une petite cloche aussi dans la main, un autre instrument que tu joues en même temps de berimbau. Oh mon dieu. Voilà. Oula, donc Daniel va nous faire tous les instruments de musique du studio. Au secours. Ouais, non, mais c'est un truc dans le temps. Il va jouer des castagnettes. Non mais arrêtez, oh mon dieu. Ça marche presque. Ouais. Ça marche presque, dis donc. Le problème, il y a une cuillère qui est pas bonne. il en faudrait deux comme celle-ci et celle-ci. Il y a une cuillère qui sonne faux parce que attends, ouais. Daniel, il a posé son genou sur la chaise. Sur la chaise, ouais. Il s'est mis en face du micro et il était en train de faire des castagnettes avec des cuillères. Donc c'est les cuillères chez Jiffy, ça marche pas. Ouais. Faut des cuillères Ikea. Je revois tous mes cours de musique. Là. En cours de cuisine, moi j'avais des instruments de musique qui s'appelaient des tout et n'importe quoi. Des batous doux. Quoi? Des batoudous. Des batoudous. Je sais pas si c'est vraiment un instrument de musique ou si c'est un truc de collège, mais t'avais une tige en plastique avec un petit bout de... Comme les micros, vous savez, les bonnettes de micro, ça au bout de la tige, et tu pouvais faire des percussions sur ta table. Et... En fait, on fait tout ça en cours, genre avec nos stylos comme ça. Mais là, on avait le droit vu que c'était ouais. Et derrière, t'avais des petites dents, et tu pouvais gratter tes deux batoudous, ça faisait... Il t'est arrivé quoi cette semaine pour autant retourner comme ça à l'époque par rapport à la musique? Il t'est arrivé quoi cette semaine pour retourner comme ça quand t'avais l'époque? Là t'as fait un saut dans le temps là quand même. Bah j'ai fait un saut dans le temps, mais même dans les films, hein, parce que du coup hier soir, je sais pas pourquoi, je me suis dit on se met un film avec ma copine. Elle m'a dit ouais, mais on a toujours un petit problème, c'est le choix du film. Soit c'est un film de merde, un film qu'elle aime bien, soit c'est un film un vrai. Ah, il aime bien. C'est-à-dire X. Avec non, triple X hein, pour. Je vais pas dire un film d'auteur ou un truc du genre, mais un truc intéressant quoi. Ouais. Pas un film à l'eau de rose de merde. Enfin, vous savez, les téléfilms d'amour. Ah ce oui. genre de truc. Ah. Ça, genre Pascal a trompé Jean-Pauline avec. Oh, non. Mais voilà. Les téléfilms qui passent l'après-midi sur toutes les chaînes. Exact. Ça, parce qu'ils savent pas les mettre autrement. Elle kiffe ce genre de truc. Le mais truc moi, pour la sieste. Genre les feux de l'amour, elle aime bien aussi. Non, parce que c'est un peu trop vieux. Ah, mais bon, ouais. C'est un peu le genre de même truc. Gossip Girl, tout ça, tu sais, les séries. Oui. Ah, oui. Voilà. Ça, c'est son dada. Du coup, j'ai réussi à feinter. Je lui ai dit tiens on va mettre ça tu verras ce que c'est, tu connais pas. Je suis une légende avec Will Smith, connu mais rien à voir avec de l'amour. fun parce que moi j'adore ce film en plus. La scène du chien. Ah je l'ai tué direct. Elle était là en train de pleurer. Hop nickel. Je me suis dit ça c'est un bon film. Un film où tu peux pleurer devant, c'est que c'est un bon film. Parce qu'elle pleure pas devant ces trucs devant Consigua, elle va pas pleurer hein. Donc les zombies tout ça elle a apprécié. Parce qu'elle a voulu regarder, enfin elle a pas eu le choix de toute façon. Mais bon. Elle a peut-être fait semblant, c'est peut-être elle qui t'a roulé dans la farine pour le coup. Ça arrive jamais. Rouler dans la farine le boulanger quand non. Même. Non, on roule pas un boulanger. Ouais, j'avoue que pour un boulanger, ce serait le comble quand même. Tomber dans le pétrin aussi. Ouais. Oh. Ouais. Bon, on peut en faire d'autres. Ouais, il y en aurait pas mal. Ouais. Toi, Daniel, il t'est arrivé des choses cette semaine ou... Non, mais par contre, je voulais parler de quelque chose. Voilà. Vous vous rappelez le vendredi 3... C'est bien de parler de quelque chose. le vendredi 3 décembre, on avait fait une émission spéciale pour Zachary et Andrea qui avaient tourné un court-métrage sur à côté de chez nous là, à Nasal, à côté d'Amboise. Émission donc qui est en région centre pour ceux qui qu'on peut retrouver en podcast. Et il se trouvait comme ils chantaient, ils jouaient de la musique, ils étaient venus ensemble ils font l'Olympia à Paris. Voilà. Alors, je voulais juste signaler que il y a déjà 2-3 semaines, j'ai oublié de le faire avant. Le court-métrage a été projeté au festival de Beaugency. Le court-métrage a eu 2 récompenses. Le meilleur film, qu'il l'a qualifié directement pour le festival de court-métrage de Soulac-sur-Mer, qui est un festival national. Ouais. Et là, j'ai vu les évaluations, il est nominé, il est retenu, il va passer. C'est pas le Nikon ? Non, ça a strictement rien à voir. Il y a le Nikon Festival aussi. Là, c'est un festival vraiment en salle, en physique, vraiment dans des salles à Soulac-sur-Mer. Ouais. C'est pas le Nikon, non, c'est pas ça. Hein. D'accord. C'est pas ça. Et deuxième chose, deuxième récompense, Zachary a eu la récompense du meilleur rôle masculin. Oh. Joli. Waouh. Il jouait quoi? Félicitations. Une plante. Ça, sachant qu'on a, on a remarqué qu'ils avaient tous beaucoup de talent, hein, et qu'ils savaient faire même des choses très très différentes. Hein. C'était une sacrée soirée. Exact. Oui, et c'est pour ça que je tenais à en parler parce que bah, en oui. plus lui c'est sa première récompense. On a vu les débuts. D'une jeune pousse en herbe. Oh, il est plus jeune que moi, on est d'accord, j'ai le droit de dire ça. Hein. Oui, il est plus jeune, ouais. Et là, oui, il va devenir un cador après, plus tard. Et il passera plus sur Indestar, du coup. Hein. Ouais, il aura plus le droit. Par contre, tu pourras dire. Il était là. Il est venu, je l'ai vu. Et on lui a offert sa première radio. C'est vrai, c'est voilà, vrai. Voilà, ce qui est quand même quelque chose d'important. Après celle qu'il avait fait des poumons. Ouais, mais celle-là, c'était l'entraînement, ça compte pas. Toi, Thierry, tu as quelque chose à raconter ? Moi, j'ai juste remarqué, en fait, cette semaine, moi, je travaille à plusieurs endroits, et en fait, sur quatre endroits où je suis allé, dans trois villes, eh bien, il y avait un paysage qui se ressemblait, en fait. Il y avait un arbre qui était bien fendu à la cime, et en fait, l'eau était tombée en bas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça fait trois jours de suite que je vois la même chose, mais à trois endroits différents. Je suis pas dans un film. Et t'as pas vu Bûcheron ? Non, mais on a vu la météo, et ça s'est sérieusement gâté. Il y a des gens qui ont pris des gros grêlons et d'autres de l'orage et plein d'autres choses. Mais bon, j'étais surpris que j'ai vu un endroit où il y avait effectivement des arbres très très hauts. J'ai compris que le point le plus haut, voilà, se prend éventuellement un coup de foudre. Mais aux autres endroits, c'était pas forcément ça. Ouais. Mais bon, j'ai pas vu de dégâts particuliers. J'ai vu que les arbres avaient été écartés, etc. Mais ouais, il est tombé quand même des bons morceaux. Il fallait pas être en dessous. Ah oui. Ouais. Ça fait le malheur des bûcherons. Ça décapite des vachement l'arbre. Hein. Tu vois ouais. comment la longueur sur laquelle il est fendu. Waouh. Pas long ouais. jusqu'au sol normalement. C'est... Alors on voyait pas. Ça dépend pas où, jusqu'au sol, mais la partie qui restait, oui, il y avait plusieurs mètres ouais. Où tu ouais. vois les traces. Hein. Ça laisse des traces. Tout comme l'instrument à cordes. Non. Jade, toi, t'as fait quoi dans ta semaine ? T'as été au collège, non ? Oui. Ouais. D'accord. À part lundi, du coup. C'est passé quelque chose au collège ? C'est pas les examens en ce moment ? Bah, si. Si, t'as ça. Du coup, moi, par exemple, ouais. demain, là, je vais m'entraîner pour mon oral. Ouais, oral de collège. Et là, tu te pré-entraînes ce soir. C'est ça, voilà. Je m'entraîne encore. Voilà. Et la semaine prochaine, je passe le vrai oral. Et après, ouais. normalement, la semaine prochaine, si je me trompe pas, je passe le vrai brevet. Ok. Donc ça approche. Mais le brevet doit être le dernier jour de juin et le 1er de juillet, si je me rappelle bien. Oui, normalement, c'est le 30 juin et 1er juillet. C'est bien, elle vient de dire la même chose que toi, mais autrement. Non, parce que je réfléchissais aussi, par exemple, parce qu'on termine officiellement les cours le 7 juillet. Je pensais aussi à ça. Ah. C'est quoi pour ça. Chic, oui, on termine l'année scolaire le 7 juillet. Ah bon ? C'est quoi ce arnaque ? je sais pas pourquoi. Attends, nous c'était fini déjà à fin mai. Hein. Bah oui, bah. Nous, fin mai, déjà en juin, tu voyais déjà la moitié de la classe qui était déjà plus là. le calendrier officiel ne s'est jamais terminé fin mai. Bien sûr, oui. Mais pas le 7 juillet non plus. Hein. Bah écoute. Tu sais, il y a les choses qu'il faut dire officiellement, là. Et puis officieusement, tu fais ce que tu veux, mais tu ne le dis pas. et surtout, nous irons à l'école. Même le 8 juillet pour ah ben non, moi je peux pas, hein. Moi j'ai un avion le lendemain, non. Oh bah ça y est, les bonnes excuses. Ah moi je prends un avion. Non, pilote l'avion. J'ai un avion piloté, oh attends, ils m'attendent là-bas. Oh, ça m'attend là. Moi je prends un avion sous le bras, c'était un jouet en fait. Et un concombre sous l'autre. Ouais, c'est ça. Fais quelque chose avec un avion. Des courses, qui est-ce qui a le meilleur aérodynamisme? On s'en fout. Ouais. C'est pas le sujet de ce soir. Au niveau du gabarit, c'est pas moi en tout cas. C'est vrai. Au niveau de la musique, par contre. Oui. Ça va être un peu dans tes époques, ça, je pense. Peut-être. Si je te dis. We were, we et were, we were, rock you. C'est ta star. C'est ta star. We were, we rock you. C'est qui chante ça? Je peux le dire. C'est la reine d'Angleterre. En ce moment, c'est moi. Oui. Je pense qu'on va voir. Allo Sen, donc We Will Rock You, qui sera légèrement mieux que la tienne quand même, Daniel. Bon, ça y est, on bouffe tout de suite, on tape sur les vedettes. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. Peck Avenger, level 2. You win. Peck Avenger, oui, donc 2.0, level 2, tout est cool. Oui, c'est bientôt la fin de l'année hein, de cette saison 2. Oui. Ouais. Ouais. Bah, c'est cool hein, parce qu'on a de la bonne musique quand même. Ouais. Ah, c'est bientôt Noël. Ouais, wow. Bientôt Noël, je sais pas. T'es un peu en avance, Thierry. Bah, il est à la fin de l'année. Bah, forcément. En parlant de Noël, on n'a rien à faire à gagner cette semaine. Alors, c'est pas Noël. Oui, mais c'est des cadeaux quand même. La semaine prochaine, on va sans doute avoir quelque chose. Il y en a peut-être parmi vous qui sont pas des cadeaux, mais bon. Ouais, moi. Daniel, par exemple. Ouais, moi, je viens de le dire, j'avoue. À défaut d'être des presents, ils sont présents. Ouais. À défaut d'être un présent, il est emballé chaque semaine de venir. Ouais. Ah. Voilà. Comme les cadeaux, emballés comme les cadeaux. Regardez-moi le paquet. Mais si, c'est sûr que t'étais content de venir. Tu vas pouvoir ressortir tout ce que t'as appris sur la guitare. Ouais. T'as la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu. Alors, et se gratte beaucoup. Non, non, ouais. Alors je me gratte un petit peu. Hein. C'est, voilà, c'est pour pas ça la guitare. Ouais. Oui. C'est toute une histoire la guitare. Hein. Eh ben je sais pas. Ouais. Bah, tu vas nous dire ça. Oui, oui. Qui est-ce qui a inventé la guitare? Mais si... Qui c'est le salaud? Mais on s'en fout de savoir qui c'est. C'est qui a inventé cette merde. C'est l'histoire de la guitare en elle-même. Qui a mis après des cordes sur un bout de bois, ça? Ça remonte à très loin. Trop loin d'ailleurs, j'ai pas eu envie de chercher. Hein. Oh là là. On aurait passé la nuit à raconter. Le gars, il a voulu faire un arc. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Et par contre, ils disaient, ça fait un son sympa. Ça. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est ton histoire d'arc à une corde là que tu nous racontes. C'est ça. Là. Ouais. Le berimbau, l'ancêtre de la guitare. Va savoir. Oui, alors si aujourd'hui c'est devenu un instrument incontournable de la pop musique, la guitare électrique, la guitare déjà tout court a connu des débuts difficiles, mais la guitare électrique aussi. Ouais. Première question, pourquoi a-t-on cherché à créer une guitare électrique? Pour pouvoir jouer avec une guitare plus plate. Parce que quand on a fait des centrales nucléaires, il fallait consommer le courant. Alors on a dit, on va tout faire, le faire tout électrique. Non, la cuisinière, la guitare. En fait, c'est on a que... même fait la chaise électrique d'ailleurs. En fait, le problème, c'est que dans. Oui, faut avoir les bonnes cordes pour attacher le mec à la guitare électrique. Hein, c'est surtout ça le truc. Hein. Le problème, c'est que la guitare, on ne l'entendait pas assez dans un orchestre. Ah ouais, plus la salle est grande et plus. Dans l'orchestre tout court. Ah! Ouais. Daniel Quémand de la lumière. Et on fait comment? Lumière. Non, reste ici, Daniel. C'est Kevin qui va y aller. J'envoie. Second. Merci. Qui est parce lumière? Je commence à avoir un peu de mal. Alors. C'est tout là-bas. L'histoire de la guitare électrique remonte à 1890. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est un officier de l'US Navy, un certain George Breed. Ouais. Qui a eu l'idée de déposer un brevet pour faire de la musique grâce à l'électricité. Ouais. Non, l'électronique, c'est de l'électrique, on va dire. Ouais, que il s'est branché sur le premier métro. Ah, peut-être, oui. Non, mais bon, et il s'est aperçu qu'on pouvait transformer les vibrations en courant électrique qui allait pouvoir produire un son. Est-ce que c'est un rapport avec le morse? Ça pourrait l'avoir inspiré. L'animal. Je pense. Le morse, le langage. Non, mais je pense qu'il était inspiré par tout ça, par le morse. Parce que c'est bien le morse que l'invention du phonographe. À partir du moment qu'on savait que le son pouvait être émis grâce à des signaux électriques, je pense que ça doit être lié à ça en vrai. Alors, Hertz et compagnie, les expériences. Ouais. Et du coup, le gars, il s'est dit putain, mais attends, je peux faire quelque chose avec ça. Absolument. Et voilà. C'est une combinaison de plusieurs, de toute façon, technologies. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Absolument. Alors après, on remonte, on arrive en 1928 où il y a une entreprise qui s'appelle Vega qui a mis la première sur le marché un instrument à cordes. Mais c'était pas une guitare, c'était un banjo. Voilà. Et en 1929, donc après, là, c'est une autre entreprise qui a mis une guitare électrique sur le marché. Et après, dans les années 30, alors là, tout le monde est devenu fou, tout le monde a fait plein de guitares électriques. Mais à qui doit-on finalement cette guitare, cette invention vraiment? Qui a révolutionné ça? Daniel Guitare. Exact, ça y est, maintenant mon pseudo est connu. Il est connu du grand public. Absolument. Lucie. Non, c'est un certain, alors c'est son pseudo, un certain Les Paul. Alors Les Paul tranquille, on peut en faire plein. Ouais, c'est ça. Il y en a plein là. De son vrai nom, Lester William Paul Suss. Qui était passionné de guitare et qui va travailler... Sur une guitare? Voilà. C'est ça. Waouh. Il a inventé la guitare, du coup, il était passionné de guitare après. Non, on va dire que c'est lui vraiment qui a créé et mis au point le principe de la guitare électrique. Ouais. Son nom n'a pas survécu, mais son invention, si. Ouais, alors, si, aux États-Unis, une Les Paul, c'est très connu. Les guitares Les Paul sont très connues, mais malheureusement, en Europe, on ne le connaît pas, ce monsieur. Et pourtant, heureusement qu'il était là. C'est un génie. Absolument, après moi. Alors, je vais vous faire un petit peu. Ça va les chevilles? Oui, très bien. Elles sont habituées, elles sont bandées pour pas gonfler, t'inquiète pas. Va. Alors je vais vous retracer un petit peu l'histoire de ce monsieur, parce qu'il y a quand même une anecdote hyper croustillante dedans. Je veux des anecdotes croustillantes. À 8 ans, sa maman lui offre un harmonica en cadeau. Oui, bah oui, c'est sa maman. Oui. Et puis à 9 ans, elle voit la passion de son fils pour la musique. Donc bah, à l'époque, le piano, c'est quelque chose d'important. Oui. Voilà, surtout, il est américain, t'as dit ? Ouais, en plus. En Amérique, le piano, c'est l'un des instruments les plus joués, après peut-être l'harmonica. Parce que l'harmonica, ils en ont quasiment tous un, mais ouais, il y a 21 millions d'Américains qui jouent du piano là actuellement. Et combien il y en a qui soufflent dans le piano une fois qu'ils ont fait de l'harmonica? Je sais pas, mais bon, je sais juste que. Bah, c'est un peu le piano avant d'ailleurs. Hein. C'est un peu appelé. Ils disent que le clavier est un peu large, mais bon, on va essayer. C'est le seul peuple qui arrive à mélanger flingue et piano. Quoi. C'est fort, hein. Ouais, alors il y a quelques. C'est là donc, à ses 9 ans, se dit bah après tout, il aime beaucoup la musique, donc je vais lui faire prendre des cours de piano. Ouais. Et après quelques cours de piano, donc on le trouve cette histoire dans sa biographie d'ailleurs, à Les Paul. La prof dit chère madame, il envoie un mot à sa mère. Chère madame Paulsus, votre garçon Lester n'apprendra jamais la musique. Gardez votre argent, s'il vous plaît, ne me l'envoyez plus pour aucune leçon. Oh non, la violence. Oh là là. Ça dans une seule phrase. J'imagine la mère, elle fait. C'est vrai, ouais. Oui. Quand on connaît la suite. Ouais. Et à 12 ans, 3 ans plus tard, Les Paul installe, donc il crée sa première guitare électrique avec pour base, comme on avait à cette époque-là, une guitare acoustique. Donc il avait acheté d'ailleurs pour la petite histoire $5 d'occasion avec de l'argent qu'il avait gagné durement en triant des pommes de terre. D'accord. Waouh! Waouh! Wow. Franchement, il travaillait chez Vico. Peut-être, oui. Je veux bien ça, moi, en job d'étudiant. Voilà, dans la filiale américaine de Vico, oui, sûrement, ouais. Donc, il installe, il pique le micro de son tourne-disque qu'il installe dans sa guitare et le micro d'un téléphone qu'il place sous les cordes également. Et il branche tout ça sur le poste radio de ses parents qui sert d'ampli. Et donc, ouais. Il a créé sa première guitare électrique comme ça. Ah ouais. Bordel! Alors, le gars, c'est MacGyver, c'est dit tiens, je vais brancher ça là-dessus. À l'âge de 12 ans, en 1927, où l'électricité quand même débutait. Ouais. Et donc, à 13 ans, il est déjà un musicien semi-professionnel pour quelqu'un qui ne jouera, d'après le prof de piano, jamais de la musique, qui est un incapable. À 17 ans, il entre comme musicien professionnel dans un orchestre country qui s'appelle le Rube Transon Cowboy, donc les cowboys de Rube Transon. Certes. Et il a joué après avec des pointures de l'époque, Nat King Cole et Bing Crosby. Et alors, entre autres, dans les années 40, c'est lui qui invente aussi le premier magnétophone multipiste. Les bandes sur lesquelles on pouvait enregistrer à plusieurs pistes. Attends, magnétophone. Les trucs à bandes que tu connais pas, oui. Les lecteurs cassettes, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Non, non. Si, justement. Donc, tu avais les cassettes bandes, mais tu avais aussi à bandes avec des grosses bobines, avec des bandes qui étaient 4-5 fois la largeur. Et que tu pouvais enregistrer sur plusieurs pistes. D'accord. Ah oui, t'es trop jeune, t'as pas connu. Ouais, pas du tout. Là. Voilà, tu tapes magnétophone à bande sur internet et tu verras des photos. D'accord. Si tu regardes, tiens par exemple, Mission Impossible, ouais. Les vieux, hein, ouais. Justement la bande s'auto-traitera. Votre mission, si vous l'acceptez, etc., on voit les deux rouleaux qui tournent. Voilà, c'est ça. Donc là, t'as un magnétophone à bande. Y en aurait peut-être chez ton papa qui garde tout. Enfin, je sais pas, moi, mes parents, ils ont ça, un magnétophone à bande. Il y a beaucoup de trucs, mais l'électronique, il est pas trop... Ouais, j'ai un cassette, moi, par contre. Magnétophone à cassette, j'en ai encore. D'accord. Hein, mais... Ah bah écoute, pourquoi pas. C'est ça. Ah ouais, tu peux... Mec Avenger est une émission qu'on apprend des choses. Ouais, c'est ça. Ah. Vous en apprendrez aussi à la fin du coup. On raconte beaucoup de conneries, mais en fait, pas que. C'est de la connerie, comment on dit, instructive. C'est une émission complète. Ludique. La connerie ludique, voilà. C'est comme ça qu'on dit. On apprend beaucoup par le jeu. Hein. Oui. C'est ça. Alors finalement, ce monsieur, Les Paul, Lester William Paulsfish, finit par être embauché. Alors, par être embauché par Gibson, qui est quand même une grande... Gibson, mais oui, je connais, c'est la guitare Gibson. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Et c'est lui qui a créé, finalement, on va dire, la première Gibson, la Solid Body, qui d'ailleurs portait son nom, une Les Paul. Ouais, d'accord. Et Les Paul de chez Gibson. Ah ouais, parce que sinon, c'est un peu... Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, aux États-Unis, il est hyper connu. Une guitare, une Les Paul d'époque, ça se vend quelques dizaines de milliers de dollars. Ouais, je crois savoir laquelle c'est en plus. Voilà, ouais, c'est quelque chose. Et par contre, il a rompu son contrat 9 ans plus tard. Ouais. Parce que la nouvelle guitare lui plaisait pas. D'accord. Voilà. Écoute. Alors, je rajouterais, c'était pas qu'un inventeur, il jouait donc de la guitare. Musique, il chantait aussi, parce que dans les années 50, il faisait un duo avec celle qui est devenue sa femme et de laquelle il a divorcé plus tard, qui s'appelait Mary Ford. Ford. Quoi ? Il s'est marié avec une Ford et il a osé. Il a Mary Ford. Il a osé faire ça. Ils ont un fils qu'ils ont appelé Harry. Harrison Ford. Oh mon dieu. Non, c'est nul. Why. Ok, ouais, okay bah, j'ai rien dit. Ouais, non, mais là, ça sonne mal, là. Ça sonne faux, l'histoire. Hein. C'est pas ouf, c'est sniff. Voilà. Tu nous habitues à mieux quand même. Bah, imagine le paquet de pain de mie sur une Ford. Ah, moi, je me suis habitué à pire, mais bon. On relèvera point. C'est selon. Ouais, alors, ce monsieur Lester Paul, Les Paul n'était pas connu en France. Maintenant, grâce Au Pick Avenger. Indestar, et surtout. Il est infecté par les Pokémon. Et surtout moi-même, Daniel, qui a fait ses recherches pour vous. Vous savez qui est Les Paul. Vous savez qui est Les Paul et que c'est à ce monsieur, finalement, qu'on doit beaucoup sur les guitares électriques. Alors, les guitares électriques, moi, j'ai rien contre ça. Moi, c'est les guitares classiques que je déteste. Chacun son délire, évidemment. Bon, guitare, c'est pas plutôt les gens sur la plage avec la guitare que tu dis. Avec. surtout. T'as un entre-deux, tu sais, où quand tu peux amplifier la guitare acoustique. Ah bah, je peux l'amplifier dans la gueule des gens. Ça amplifie leur tête, je crois. Tu veux de la musique pour aller ? Ouais, je joue un peu de musique, ouais. Allez, full cast, factory reset. Ah, on fait reset ? On commence l'émission ? Oh, si tu veux, après tout. Et bah après la musique, on fait un top. Et bah on recommence le top. Allez. Peck Avenger, c'est comme dans American Pie. Une fois, au stage d'été, les batailles de polochons sont interdites. On en a quand même fait une et c'était trop fun. Mais en différent. Oh, je suis triste, Eddie. Moi, je voulais faire mon top horaire. Hein. Je voulais le refaire. J'aurais bien aimé faire la connerie. Ah oui, alors... Tu sais quoi, je t'en remettrai un tout à l'heure à 22h s'il y a juste après une musique qui est 22h, parce que les top horaires en théorie c'est pour annoncer la nouvelle heure. Oui. Je peux pas annoncer un top horaire à 21h36. Ça n'a pas de sens, peu cher. Mais c'est un top 21h36 horaire. Et oui, mais justement. Oh. Bah, c'est un top horaire, mais en différent, comme disait le jingle. Par contre, j'ai une question à poser. Thierry, c'est quoi les petits bouts que tu nous as donnés, les bouts de papier ? Alors déjà, c'est pour savoir si tu sais lire le français. Oui. Et ça, ensuite, c'est parce que ce sont des mots-clés par rapport à mon sujet. D'accord. Qui est, je vous le rappelle, la voix. Oui. Parce que la voix, ça se voit. Vous le savez peut-être pas, il y a beaucoup de gens qui disent ça s'entend. Mais aujourd'hui, avec les technologies, ça se voit. Un oscillogramme. Non, c'est pas ça. Si, c'est bon. Un oscillogramme, c'est quelque chose qui reproduit des données, donc des fréquences. Visuellement, qui reproduit visuellement des données. Voilà. Je suis bon. Pour une fois. Moi, j'ai un mot. C'est peut-être pas par moi qu'il faut commencer. Vas-y, on peut commencer dans l'ordre que vous voulez. Endovidéoscopie. J'aime pas quand ça se finit par scopie parce que ça fait penser à un autre mot. Surtout quand c'est oscopie, tu vois. Scopie, justement, tu vas voir les choses. Et, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir, oui. Endo. Les cordes vocales. Oui, en fait, c'est aujourd'hui, pourquoi je vous disais que la voix, ça se voit, c'est qu'on peut faire des examens. En fait, on vous rentre une petite caméra en fait, dans un tube. C'est ça que j'aime pas. Et alors moi j'ai lu sur certains trucs qu'on pouvait rentrer par le nez, mais j'ai vu une par vidéo où on rentrait par la bouche aussi. Oui, c'est peut-être plus simple. Et on voit donc si au niveau de vos cordes vocales il y a un problème ou pas. Et voilà, c'est aujourd'hui on voit la voix, ça se voit. Ça veut dire que tous les gens qui pensent avoir des soucis de voix peuvent consulter un ORL ou alors qui a le mot d'ailleurs du spécialiste de la voix. Il y en a un d'entre vous. Un voxologue. C'est toi qui l'as. Un phoniatre. Oui, alors en fait c'est un spécialiste de barbare. De la voix et de la déglutition aussi si vous avez un problème, etc. Mais en fait quelqu'un qui travaille sur la voix et qui peut faire de la chirurgie s'il y a un problème. Ouais. Et en fait, moi, je vais vous parler d'un monsieur qui est célèbre aujourd'hui parce qu'il a travaillé sur les grandes stars, en fait, Céline Dion, entre autres, Charles Aznavour, Johnny Hallyday et compagnie. Ah, ceux qui savent pas chanter. Par rapport. Non, mais les plus grands chanteurs l'ont consulté. Ouais. Et il est encore chirurgien ORL. Et en fait, ce gars-là, il a fait pas mal d'interviews que j'ai écoutées, voire vues, puisque c'était aussi en vidéo. Et il a écrit des bouquins, justement, sur la voix, ce que c'est que la voix, les pouvoirs de la voix et autre chose. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien, en fait, de voir avec vous qu'est-ce que c'est que la voix, comment ça fonctionne, puis un petit peu les pouvoirs, les super pouvoirs que ça peut avoir. La puissance en décibels maximale. Non, mais se dire qu'on se dit, il faut toujours avoir des instruments en plus pour avoir un super pouvoir, mais en fait, vous en avez un en vous. Ouais. Hein. La voix, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on est des super-héros. Juste savoir l'utiliser. Ouais, on est des super-héros, alors, si on a des super pouvoirs. Pas toi, ouais. Daniel. Mais... Oh, ça y est! Oh, mais... je t'aime plus, moi! Non. Là, ça tombe bien, moi non plus! Mais alors, au-delà des grandes gueules, c'est quoi la voix? je peux pas répondre, c'est si c'est au-delà de. Son émis lorsque notre corde vocale vibre. Alors, il y a de ça. Avec la langue, des mouvements d'embouche, alors... tout ça. Uh-huh. Alors, les cordes vocales, donc instruments à cordes et avant. Ouais, voilà, effectivement. Parce qu'il faut l'air un peu. Mais après, il y a de l'air. Alors, les cordes vocales, combien on en a? Une. Deux. Deux. Oui, deux qui. Bien. Oui. Oui, ça fait on en a deux quatre, mais... qui s'écartent et qui viennent se plaquer l'une contre l'autre et pas chez tout le monde de la même manière. Et qu'est-ce qui... En fait, ça suffirait pas les cordes vocales. Ça, c'est pour le réglage de l'air, quelque part. Oui. Comme quand tu souffles dans l'instrument, en fait. Ah oui, pour que ça sorte, pour que le son sorte, il faut une amplification. Faut du coffre. Et or, quand vous regardez les êtres humains selon leur âge, ça sort pas de la même manière. Vous allez voir un enfant, ça sort pas de manière articulée. C'est vrai. Non. Ça sort comme chez un chimpanzé. Ouais. Ah. J'avais jamais lié les enfants et les chimpanzés, mais parce qu'ils sont formés comme nous, mais sauf qu'en fait, il y a pas la descente en fait qui se fait au niveau du larynx quand on grandit et qui va faire que au dessus pourrait y avoir une caisse de résonance qui va se former parce qu'il faut de la résonance pour que ça sorte. Hein. Jade, excuse-moi. Dis-moi Jade, toi qui es la plus jeune d'entre nous, t'as des souvenirs du chimpanzé là que tu pouvais être parce que nous c'est trop loin donc. Non, t'as pas de souvenir. Bah déjà, on sort pas d'un singe, on est une espèce de singe. Je revois mes cours d'SVT, merci. Voilà. Mais je t'en prie, non mais tu passes le brevet, faut te faire réviser. Voilà. Merci. En tout cas, si on essaie de chercher de quelle espèce on est la plus proche au niveau des cordes vocales et d'autres choses comme ça, on est très proche des chimpanzés. C'est pour ça que j'ai pris cela. Et à voir que donc, l'évolution ne se fait pas quand il passe à l'âge adulte comme ça se fait chez nous ou au niveau du larynx. Vous voyez, ça s'allonge et ça descend. Les cordes vocales sont plus basses, ce qui fait qu'il y a une caisse de résonance au-dessus. Hein. Il faut que les sons puissent résonner. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut articuler. Donc c'est quand même ce qui nous rassemble là, les 6 milliards d'individus, voire plus qu'on est aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous une voix différente. Ouais. Non, c'est bien, oui. C'est-à-dire qu'on est unique. Alors, il y a quelque chose qui peut être en commun, et ça doit être le mot que tu dois avoir, Kevin. La tessiture. La tessiture. Qu'est-ce que c'est que la tessiture? Ça, on n'a pas tous la même, sac. Mais c'est ma copine. Il n'en existe pas 6 milliards de ça. Tessiture. C'est la hauteur le de la voix. C'est la hauteur de la voix. Alors, c'est pas tout à fait cela, mais c'est lié en fait. C'est la gamme que oui, vous pouvez jouer, c'est-à-dire l'amplitude. de la note la plus basse jusqu'à la note la plus basse. Ça vous fait une gamme. D'ailleurs, les plus grands chanteurs, ceux qui chantent, enfin pas ceux qui chantent le mieux, mais ceux qui peuvent faire le plus de choses avec leur voix, c'est ceux qui ont une tessiture la plus grande possible. Enfin, on mesure les octaves, etc. Voilà. Il y en a, mais ils sont rares. Il y a des gens, ils arrivent à aller très très bas dans les aigus et très très haut dans les graves. Du coup, ils ont une tessiture, j'utilise le mot, hein, oui, une tessiture assez élevée. Et plus t'es élevé, plus tu peux faire de choses avec ta voix. Donc on peut classer les gens selon leur tessiture. C'est vrai qu'on va avoir une tessiture éventuellement commune. Je voudrais reprendre, t'as dit très bas dans les aigus et très haut dans les graves. C'est pas le contraire? Je sais pas, moi. Alors, au niveau des sons, c'est le contraire, mais moi, j'ai laissé faire parce qu'en fait, quand on prend des cours de chant, on apprend à penser les aigus graves et à penser les graves aigu. Ah, c'est exactement pour ça que j'ai dit pour, ça. Pour ne pas saturer, mais justement. Je voulais savoir. Hein. Pousser sa voix à l'extrême, et ben, il faut penser à l'envers. C'est pour pas faire, si tu veux aller dans les aigus, c'est pour pas faire une voix de tête, comme dit mon prof de musique, pour pas faire comme si c'est retenu. Pour pas que tu sortais du lot. Ah ouais. Ouais, en tout cas, quand on vous dit aigu, on vous demande pas de passer au-dessus des autres. Et oui, voilà. Et ça, il y a des gens qui quand ils entendent ça, en fait, spontanément, pourtant ils savent que c'est pas forcément plus fort, mais ils vont dire aigu. Ah oui, ça veut dire qu'il faut que je sois plus fort que les autres. Non, c'est pas ça, c'est la hauteur. Non, mais il y a un problème. Hein, y a, dans une ville, ils ont des problèmes pour chanter. Hein, quand tu dis monte aigu. Oh mon dieu. Bon, bah, bref, bon, allez. Moi, dès que je parle comme ça, quand là, je tu vas finir à mon cul. T'es no fatigue, franchement. Donc, la tessiture peut être en commun, mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on a des voix différentes si on peut avoir quand même la même tessiture? Il y a autre chose qui est différent, c'est ce qu'on appelle le timbre. Ah oui, le timbre. Ah, ça, c'est la poste. Oui. Mais arrête! On a tous un timbre différent. Ça veut dire que 6 milliards d'individus, c'est 6 milliards de timbres différents. Alors pourquoi? Parce qu'on a des cordes vocales de taille différente qui se resserrent pas de la même manière. Qui on sont a pas des particularités physiques différentes. Il y a énormément de choses. Et en plus de ça, vous avez dû remarquer que si on vous enregistre et que vous réécoutez, vous dites bah, j'ai pas cette voix-là. On n'entend pas pareil. Oui. Non, surtout moi je me dis j'ai une voix moche. Moi on me dit que j'ai une voix de meuf. C'est tout le monde se dit ça. Voilà. C'est pour au ça téléphone, on me dit bonjour madame. C'est pour ça que t'aimes bien faire les filles dans nos sketchs à chaque fois. Peut-être, ouais. Non, mais c'est vrai. Et il y a des expériences comme ça à faire où on modifie aussi sa voix. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est en train de parler ou qui a un téléphone, etc., vous changez votre voix toujours pour penser que vous allez être mieux perçu et c'est encore pire. Mais c'est vrai que, en fait, vous avez des résonances graves à l'intérieur de votre corps et c'est ce que vous percevez vous et on de se perçoit l'extérieur. Plus grave que ce qu'on est voilà. Vraiment. Ah ouais. Donc en fait, donc, moi, quand... je me perçois beaucoup. Donc, moins aigu que ce que je suis. Si vous vous réécoutez, oui, si vous êtes enregistré et encore à la radio, c'est un peu différent, mais moi j'ai vu avec un magnéto effectivement quand j'ai pris des cours de chant, on m'a enregistré sur le coup la première fois, il dit oh putain c'est pas moi quoi. C'est pas moi, c'est une blague, ils se sont trompés de bande, ils m'ont enfilé une autre. Ah, ouais. C'est... non mais c'est vrai, ça fait toujours bizarre cet effet là d'ailleurs, il y a peu de gens qui aiment leur voix quand on le réécoute. Moi aussi, dis-toi que moi du coup moi j'écris des chansons, ouais. Mais quand il y a des gens qui écoutent des chansons devant moi, je suis pas bien, je suis en mode mais non, j'aime pas ma voix, je la chante mais tu l'écoutes toi-même, hein, voilà. C'est moi, ça tout seul. Moi je veux pas être là. Non mais c'est vrai, il y a souvent cet effet là. Alors c'est musculaire, donc ça se travaille. Donc pour les pros de la voix, eh bien il faut entretenir un petit peu sa voix, ne serait-ce si on veut durer, parce que quand vous l'utilisez, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes prof ou si vous êtes chanteur et que vous utilisez pas mal d'heures par jour et tous les jours, forcément faut entretenir ça. Alors il y a des conseils alimentaires, et alors c'est pas forcément gay la vie des gens qui font très attention, parce qu'à leurs gens, pas de champagne, pas de vin blanc, pas de choses grasses, pas de produits laitiers. Alors, je bois pas beaucoup de lait, donc tant mieux. Leur mais vie, c'est de la merde. C'est ça. Non, vous pouvez boire du vin rouge. Ça va. Ah. Bon, ça va, il y a une compensation quand même. Hein. En France, ça va, du coup. Au moins. Non, mais bon, il y a. Voilà, ne serait-ce avant un concert, ils vont pas manger les chanteurs de donc produits laitiers. Donc, ils picolent laitiers, pas avant, c'est pas vrai alors. Ça. Ouais, bon. Non. Parce qu'ils vont être obligés de racler leur gorge à un moment ou un autre, et ça se fait pas, hein, donc forcément. Et puis tout ce qui est épices, ça irrite, ça attaque aussi. Donc c'est voilà, on peut avoir une hygiène alimentaire si on veut préserver sa voix. Et puis on peut avoir des problèmes, on peut avoir des nodules, des choses comme ça qui viennent se mettre sur les cordes vocales. Donc aujourd'hui, on sait opérer. Le seul souci, en fait, c'est qu'il faut bien réfléchir avant de se faire opérer, parce que ça va quoi qu'il arrive. Ouais. Déformer la corde vocale et c'est pas. Alors c'est pas le problème physique, c'est qu'on s'est tout à fait réparé, mais est-ce que vous allez accepter votre nouvelle voix? C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça va forcément changer ta voix obligatoirement. Et vous et votre entourage. Alors. Jean Habitbol, le spécialiste là. Au passage, il a eu la Légion d'honneur. C'est pas n'importe qui. Il est vraiment reconnu, hein, pour ce qu'il fait. J'ai un exemple après. Il a donné l'exemple en fait d'un avocat qui travaillait à la criminelle et qui gagnait la plupart de tous ses procès, mais en fait qui avait une voix un peu, disait un peu de criminel, machin très bas, machin, enfin une dame, mais qui se disait j'ai une voix d'homme, j'ai une voix un peu comme les malfrats que je défends, mais il lui dit bon je peux tout à fait arranger ça, mais en fait vous gagnez vos procès, oui mais j'ai pas de problème particulier, c'est juste ma voix en fait, et bon bah donc il parle et la personne personne en fait insiste pour se faire opérer. Ouais. Jean Abitbol refuse en se disant ça risque de changer d'impacter profondément. Ouais. Et en fait, la voix, c'est quand même vous-même quelque part au fond, votre reflet de l'âme, etc. Enfin, ce que vous voulez, mais c'est émotionnel le rapport qu'on peut avoir aussi à sa voix. Donc le changement peut être rude. Et en fait, elle va comme se faire opérer. Quand elle va sortir, elle va avoir une voix effectivement peut-être plus féminine, mais beaucoup plus haute. Ouais. Ça va être le choc et elle va se mettre à perdre tous ses procès. Oh là là. Son mari va la quitter. Enfin, oh. Il va arriver une grosse changement trop rude en fait, oh non. Trop différent. Donc il dit oui effectivement. Ouais, puis même, ça doit influencer entre guillemets notre esprit dans le sens où une voix trop aiguë, on va pas se mentir, au bout d'un moment ça casse les oreilles. Ouais. Donc si ça se trouve. Ça y a joué aussi lors de ces procès et tout ça. Bah ouais, au moment, ils se sont dit c'est bon, stop. Non, puis franchement, les malfrats, ils étaient contents, ils avaient quelqu'un comme eux qui les défendait. Là après, mais qui on va prendre? On n'a plus de malfrats comme un avocat. Jean Abitbol, comme d'autres scientifiques, ont analysé effectivement quand est-ce qu'on écoute une personne. En fait, les graves ont une importance sur le fait qu'on écoute plus les graves que les aigus. Et ils se sont intéressés, y compris genre aux gens qui se mettent en colère, etc. S'il reste des graves, on est encore attentif. Et si ça vire trop aigu, eh ben on n'entend plus rien. Ouais, ça nous saoule. Un vieux réflexe qu'on a de je ne sais où, mais tout le monde l'a, ce réflexe, entre ouais. De monter la voix. Ouais. Je voulais te parler d'un truc. Tu vois, j'ai une cousine qui s'est fait opérer de la thyroïde. C'est pas drôle, mais bon, je m'en suis pas foutu de sa gueule. Oui, enfin, il y a des infections plus ou moins graves, mais ouais. C'est vrai qu'on a des hormones pour traiter. Sauf qu'il y a eu un problème avec un médicament récemment. Voilà. Et du coup, ils ont été obligés d'opérer. Ils ont fait une grande balave sur le cou. Bon, bah, elle porte plus de collier. Enfin, elle en a déjà un. Non, mauvaise blague. Et comment dire, sa voix a été irrémédiablement touchée. Parce qu'ils ont dû passer auprès des corps vocaux, ou je sais pas, je connais pas les détails, mais elle a changé de voix. Elle avait une voix beaucoup plus douce, tu vois, limite à chuchoter à moitié. C'était fun! Elle pouvait plus parler, crier comme ça, à crier à force comme ça. Mais alors ça c'est ce qui arrive. Tout à l'heure je disais tiens, on parlera de ce qui arrive aux profs quand ils arrêtent d'utiliser leur voix. Ils chuchotent. En fait, c'est altéré. C'est un peu comme je sais pas, vous n'utilisez plus une canalisation, puis elle se bouche en fait, elle s'encrasse à ne pas servir quelque part, et vous avez la voix que si vous l'utilisez plus, comme tous les muscles en fait, ça s'altère. Hein. Et donc il arrive fréquemment que des gens qui utilisaient beaucoup leur voix dans leur vie, qui ne l'utilisent plus beaucoup, ben changent de voix et chuchotent à moitié, ça sonne à moitié encrassé ou comme s'ils avaient fumé en fait. Alors que, c'est un pot d'échappement d'une vieille bagnole pas utilisée. Donc ça peut continuer à se travailler, c'est-à-dire que limite un prof qui prend sa retraite, s'il aime le chant, qu'il fasse du chant à la retraite. Oui, parce qu'il va continuer à travailler ou du théâtre ou quelque chose. En fait, qu'il continue à utiliser sa voix assez fréquente. Ou ça, c'est la radio. Ouais, c'était les conseils de Dr. Thierry. C'est totalement ça. Non, mais voilà. De Doc Thierry, pardon. Il faut continuer à utiliser les instruments pour pas qu'ils rouillent. Enfin, on va dire ça comme ça. J'ai une deuxième anecdote par rapport à un personnage historique qui s'appelait Frédéric II. C'était un empereur au XIIIe siècle. Il a fait quelque chose d'horrible. C'est-à-dire qu'il voulait en fait savoir si, en fait, quand les bébés grandissaient, s'il y avait une langue en fait qui se choisissait instinctivement. Plus qu'une autre. Enfin, quelle langue est-ce qu'ils allaient parler en premier si on les isolait en fait de tout contact. En fait, bon, ils ont une nourrice privilégiée, mais une seule à qui on défendait de lui parler au juste le minimum. En fait, tu mets une mèche. Et donc, ces bébés, pendant quelques mois, on les a empêchés de voir quiconque. Et en fait, ils se sont pas mis forcément à parler puisque on apprend la langue par mimétisme et en fait, ce sont des enfants qui sont morts très très jeunes. Je crois le plus vieux a une dizaine d'années. Parce qu'ils ne savaient pas parler. Parce que en fait, c'est un instrument de sociabilité. Et comme je vous disais, c'est lié aussi émotionnellement. Et donc, pour se construire émotionnellement, etc., on a besoin d'avoir des contacts. Et en fait, ils sont probablement morts du fait qu'on les a privés de contacts. Donc, parler, c'est important. Les relations sociales, c'est bien derrière un ordi, il faut... Mais parler avec des gens, vous irez beaucoup mieux déjà. On le voit ne serait-ce que quand on a des enfants déjà. Alors moi, Daniel et moi, on a vécu la chose. Les enfants, quand ils apprennent à parler, comment expliquer ça? Bah, ils apprennent à parler, gaga. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Donc oui, ils disent tout et n'importe quoi, tout ce que tu peux dire, ils vont le répéter. On le voit oui, très par bien. Par mimétisme, ça. Bien sûr. Par contre, quand ils parlent pas et qu'ils ont envie de quelque chose, genre faire caca. Bah là t'es bien dans la galère. Donc t'imagines si le gosse de 10 ans il veut faire caca mais il est dans une charrette. Le gars il peut pas comprendre qu'il veut s'arrêter. Faut qu'il lui dise, mais il a pas les mots. Du coup, bah, il chie dans la charrette. Je sais pas. Alors, on va juste dévier de 2 minutes, mais après, je développe pas. Ça pourrait être une autre émission, mais vous savez pas, vous avez vu les expériences qu'on fait maintenant où on accompagne les mots de gestes, on utilise la langue des signes. Hein, oui. D'ailleurs, ils ont bien été emmerdés quand il y avait les masques ateliers, et tout ça, parce que les enfants, apparemment, ils miment beaucoup aussi sur les lèvres. Bah, les enfants, ça bouge beaucoup, donc ils repèrent très vite aussi les mouvements, les gestes. Ils sont très, leur attention est captée déjà. Et avec les masques, ils ont eu beaucoup plus de mal à l'anglais surtout. Parce que l'anglais c'est une langue assez compliquée quand t'es petit, parce que il y a des, comment dire, c'est comme si tu devais faire un mouvement précis pour pouvoir faire un son. Quand par exemple the, il fallait que tu montres que tu sortais la langue pour qu'il puisse faire le the. Bah si. Il faut dire the comme un bon français. Oui, mais non. Non, mais je plaisante. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est compliqué là, pour cette période-là, c'était compliqué. Mais ouais. Par mimétisme, en fait, si on ne peut pas apprendre à parler, effectivement, c'est chaud. Bah, c'est ça. Faut mieux être muet, hein. C'est plus rapide. Il faut apprendre un autre langage. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, c'est con. Alors, j'avais commencé à m'intéresser aux chanteurs, etc. Mais vu que... Oui. tu vas le faire, on va pas le faire, mais j'avais trouvé, on trouve des classements par rapport aux tessitures, par rapport aux timbres, etc. Voilà, si vous voulez voir qui est capable de faire la plus grande gamme, etc., il y a plein de choses. Et alors j'ai trouvé aussi en fait différents adjectifs pour qualifier les voix, les différents types de voix qu'on peut avoir. Il y a quelqu'un qui a cherché tout ce qu'il pouvait, mais alors il y en a des dizaines de mots par rapport à la voix. C'est bariton. Très intéressant. En tout cas c'est super intéressant de taper Jean Abitbol sur n'importe quel moteur de recherche, mm-hmm. et d'aller voir ce gars-là, en fait, ce qu'il raconte sur la voix. Il a écrit beaucoup de bouquins sur la voix, les pouvoirs de la voix, la voix des femmes, etc. Et en fait, il raconte même son parcours. En fait, au début, il n'était pas forcément destiné à opérer par rapport à la voix, hein, mais comment il est arrivé et comment il a tout compris. Aujourd'hui, il réussit ses opérations, etc. Mais il prend en compte surtout le facteur émotionnel psychologique pour mettre en garde les gens contre le changement que ça va occasionner. Parce on ne veut pas savoir s'il échoue, par contre. Voilà, parce que... mais, les gens d'honneur, enfin, bon, c'est un grand spécialiste. Bien sûr. Et je suis allé voir donc, sur son site, en fait, où on peut prendre rendez-vous pour vérifier qu'il était toujours en effectivement, service. Il y a prendre rendez-vous. Non, il n'est pas tout jeune, mais pas tout vieux. Il a connu Johnny. Ces interviews radio, TV s'entendent, s'écoutent très très bien. Et je veux dire, pour de la vulgarisation, comme on fait nous, à l'écouter, ça se comprend. Il explique vraiment de manière sympa. Et j'ai trouvé des trucs de 5-10 minutes. Hein, il est passé chez Borandini et d'autres, quoi. Ouais. Ah ouais. Voilà. Je sais plus qui c'est. Non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Teddy ne connaît jamais personne. Alors. Je connais pas non plus le chanteur juste après. C'est ce que j'allais dire, le prochain artiste, tu vas pouvoir nous dire qui c'est. Oui. NTRL RBLS, I want you back. Je pense que c'était en anglais qu'il fallait. Oui, c'est But I don't know. Ouais. Bah, NTRL RBLS. Oui, voilà. C'était mieux. Je le fais. C'est sur Indestar. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Bizarrement, je l'aime toujours pas, ce jingle. Bah, bizarrement, je t'ai jamais vu faire du pain non plus. Non, et honnêtement, je tenterai pas non plus. Et bizarrement, je vais protester parce que le mien, on l'entend plus, ça va pas, ça. Ah, et bah, dis-toi que celui-là, il a été choisi. Alors, par contre, c'est pas moi qui ai choisi. C'est déjà, je lui ai demandé un nombre entre 1 et 5. Elle a dit 3, donc c'était celui de Kevin. Qu'on a passé dans l'émission dernière, du coup, j'ai. Bah, non, tu fais un autre film. Oh, une araignée. Oui, ah, on a une jolie araignée qui vient de descendre du plafond, ouais. Et qui atterrit sur un de nos micros, sur celui de Kevin. Donc on va la laisser tranquille, comme ça, ce sera pour Théo. Il se démerde lundi. Moi, dans ça me dérange pas, perso. Ouais, bah. Je préfère que ce soit ça qu'un serpent qui tombe. Alors je vois peu de serpents tomber. On peut arranger ça. Honnêtement, il y a un serpent qui tombe, mais je cours. Elle est mignonne, celle-là, c'est Lucie. Mais non, mais moi je suis traumatisée là. Je donne toujours des noms. D'ailleurs, allez. Petit conseil de papa. Donnez des noms aux créatures qui font peur à vos enfants. Les créatures vivantes, les vrais animaux. Non mais comme ça, ils ont pas peur. Si. C'est pas... Non, c'est mon pas fils ça, il adore les araignées maintenant. Non mais c'est pas ça le problème, c'est que déjà j'avais pas peur des araignées. J'avais peur mais niveau moyen. Mais depuis que j'ai vu une araignée mais grosse comme ma main, je ne peux plus voir d'araignée. C'est pas possible, je suis traumatisée. Ouais mais donne-lui un nom, tu verras. Non, j'étais mais un nom pas ridicule, bien. Genre Jean-Paul. J'ai pleuré sur le moment où je l'ai vu la grosse araignée. J'ai fait une crise de panique. Mais bon, mon fils il avait peur des routines, il avait peur des araignées, il avait peur de tout. Je lui ai dit, donne des noms. Allez, on l'appelle Jade. Non, ça sera Jade. Je t'interdis. D'ailleurs, ça sera aussi Jade qui fait son sujet. Ouais. Bah, de toute façon, après bébé, on peut avoir Jade. Hein. Oui, ah oui. Oui, ouais. C'est vrai. Et ton sujet, il faut qu'il fasse regrimper l'araignée au plafond. Alors, elle intéresse casser après mon sujet. Je sais pas si elle a des oreilles, mais tu peux peut-être la faire fuir en criant dessus. Peut-être. Alors. De quoi vais-je parler ? Je sais pas, il y a écrit chorale. Il y a écrit chorale. Bah oui, je vais parler de la chorale du coup. Donc du coup, tu fais de la chorale ? Oui, je fais de la chorale depuis... Bah, tu fais de la chorale ? Oui ! Oh. C'est étonnant. Donc oui. Tu chantes bien du coup ? Oui, bah oui. Il faut avoir un peu confiance en soi. Ah bah nous dire que c'est la seule qui chante bien de la chorale là bientôt. Non. Bah vu leur nombre, je sais pas. Mais de toute façon, moi je m'en vais l'année prochaine. Il y a d'autres talents qui arrivent, hein. Moi je m'en vais. Ah c'est bon. Qu'elle a fini le collège, hein, c'est... Ouais, c'est ça. Bientôt plus de chorale. Bah si, peut-être au lycée. Non, apparemment il n'y en a pas. Tu montes ton assaut. Bah c'est pas grave, tu redoubles. Tu doubles. Non, ouais. Non. Donc, après, du coup, la chorale, après tu peux la faire en dehors, tu vas dans une assaut. J'ai voulu faire de la chorale parce que bah déjà, par rapport au prof. Parce que le prof, c'est un prof super spécial, c'est un prof auquel tu te sens bien avec lui, tu discutes même comme un pote, tu vois. Mon prof de musique, c'est presque un pote. Il aurait fait un club de Mikado ? T'aurais été au club Mikado juste pour le voir ? Non. Pour les manger, les Mikado. C'est déjà, j'aime beaucoup la musique, c'est une de mes passions. Je ne peux pas vivre sans musique. J'ai même 500 titres de musique dans mon téléphone, tellement c'est ma passion. Ah ouais. Tu veux savoir combien j'en ai ? Ah, j'en ai plein. J'en ai zéro. Mais vas-y, vas-y. Et du coup, je viens à la chorale parce que du coup, c'est bien aussi de chanter. Enfin, j'aime bien moi chanter. Ouais. J'ai pas envie de passer l'année à rien faire. Mais est-ce que t'avais. Parce que la question que je voulais vraiment te poser, en fait, dans le fond, c'est est-ce que t'avais des rêves de devenir chanteuse ? Alors, ou est-ce qu'ils se sont cassés la gueule quand tu t'es dit ah, ça va être dur ? Bah oui, ils se sont cassés la gueule avec ma mère. Ah merde ! Ouais, mais bon, ça, c'est un frein temporaire. On va, t'inquiète pas, on va couper vos podcasts parce que je crois qu'elle écoute pas. Non, tu es trop lit là, je crois. Alors. Oui, donc la chorale. Je vais vous expliquer les origines et aussi l'évolution jusqu'à où on est arrivé. Alors, ça vient du collège Malraux. Non. Non, la vraie chorale. La vraie chorale, elle est apparue au XVIe siècle. Donc ça remonte d'il y a longtemps. Plus précisément, c'est apparu en 1517. Ouais. Avec par un titre de Martin Luther. King ? Non, Luther. Il est nul, lui. Non, il y a eu un Martin Luther, en effet. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a dit, elle a pas dit 1515, elle a dit 1517. Oui. Mais bon, c'est, voilà. Non, t'as pas les mêmes références, je sais. C'est vrai, c'est vrai. En fait, la chorale est apparue dans le cadre d'une réforme luthérienne. Oui, Luther et Calvin. Luthérienne, ouais. C'est un mouvement de transformation du christianisme catholique. Le luthérisme... C'est le courant protestant issu des écrits théologiens allemands Martin Luther. Donc c'est un peu... C'est violent. Ouais, alors c'est si comme t'es dit, vous n'avez pas tout compris, réécoutez le podcast. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a besoin là. Je suis sûr que vous posez la question, mais est-ce que la chorale a un genre ? Neutre. Non. Il n'y a plus de genre. La théorie du genre, ça dégage. Bah, la chorale, c'est un genre musical liturgique. Ah, moi je croyais que tu parlais masculin-féminin. Non. Ah. Ouais, pareil. Non. Genre, j'aurais dû dire genre musical, si vous voulez. D'accord, voilà. C'est de ta faute. Comme genre liturgique. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Alors, liturgique, c'est utilisé pour les prières ou les cérémonies. C'est religieux ? Ah ouais, ouais. Bah ouais. Bon, bah chante pas. Bon. Donc ça a été donc tous ceux qui faisaient partie des prières ou des cérémonies, ils chantaient parce qu'ils étaient fidèles. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Donc en fait chanter, chanter fidèle. Oui oui. Je vais chanter tout le temps. Le truc c'est que attendez, je regarde un peu mes notes parce que. Oui vas-y. Voilà. Il y a une petite particularité, c'est que à l'époque les langues, enfin les paroles c'était de la langue vernaculaire. Ben, elle nous sort de ces mots ce soir. Elle s'est dit J'ai cherché, j'ai trouvé du vocabulaire. Elle passe son brevet bientôt. Mais tous les mots qu'elle peut, comme ça, elle révise en faisant la radio. Il faut du vocabulaire. Cours sur PK et le brevet, fallait en mettre plein la vue. Voilà, c'est ça. Du verticulaire. Je vais vous donner la définition. C'est très vertical. Oui, on veut tout savoir. Sinon, c'est verticulaire, vous allez vous démerder. C'est un son vertical. Non. C'est en fait, c'est une langue qu'une communauté utilise. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un acronyme que tout le monde utilise, tout le monde comprend. Enfin, pas toi. Genre par exemple par message tu mets TKT, tout le monde comprend que c'est t'inquiète. Ouais. C'est un truc comme ça, bah c'est un peu ça le. Tu vois par exemple j'ai un exemple que j'ai donné cheval. Vendredi soir. On m'a fait une remarque, j'ai dit bah excusez-moi on est sur une des stars, je parle de une des stars. Voilà. Voilà, voilà c'est une langue vernaculaire, voilà. D'accord. Ah. Ok. J'ai compris celle-là. Voilà. Ce qui est important aussi que dans la chorale, c'est que tous ceux qui chantent, ils sont obligés de l'apprendre. C'est obligé parce que s'ils sont fidèles, ils doivent apprendre les paroles. Ah oui, oh. S'ils les apprennent pas. Mon dieu. Ils se font fouetter pas là. Chanter avec le petit au pilori. Non, non. Non. Ah, c'est rare. C'est rare. Ah ouais. Ah putain. Non, mais le problème, c'est que si tout le monde le fait, ça s'entend. Ouais. Ouais. C'est sûr que oui. Enfin, on n'entend plus rien quoi. Ouais. Donc en fait, vous savez, la chorale d'il y a longtemps, c'est-à-dire les prières, il y a tout le monde qui chantait ensemble. Oui. Mais il y a une nouvelle forme de chorale qui est sortie. J'ai pas trouvé la date. Mais ça s'appelle l'antiphonique. Alors, antiphonique, donc anti-son, anti-audio, phonique, c'est la voix. Donc, en fait, l'antiphonique, c'est encore une forme musicale, mais une forme musicale de la chorale, qui est de la liturgie chrétienne. Donc, on est toujours sur les prières. Ouais. Sauf que il y a deux parties, comme je fais avec mon collège. Il y a une partie qui chante une octave haute. Ouais. Et une partie qui chante une octave grave. Et ils chantent pas la même chose. Voilà, c'est ça. Du coup, ça fait une sorte de mélodie ensemble. Attends, ils chantent le même texte, mais pas sur la même tonalité. C'est alors. Ça, exactement. Ah oui, d'accord. Ouais. Et aussi, y a des solistes. C'est très bien. Parce qu'ils sont seuls. Ouais, c'est bien aussi de montrer son heure de gloire. Oui, c'est ça. C'est ils chantent tout seuls à un moment donné. C'est ouais, ça. Ouais, je vois. Avec ils se démarquent des autres. C'est pour ça que ce sont des solistes. Ouais. Exactement. Je viens de comprendre. Mais vous savez comment la chorale aussi s'est transformée en autre chose. Au XVIIe siècle, quand il y avait le trafic des esclaves noirs en Amérique du Nord, tout ça, du matin au soir, vous savez, les Américains, ils travaillaient et du coup, ils chantaient ce qu'on appelle les work songs. Chansons de travail. C'est ça. Ils sifflaient. Que quand il y avait quelqu'un tout seul, il chantait et il y avait tout le monde derrière, il répétait. Ça rappelle l'armée. C'est ça. Ah. Exactement. Ouais, c'est ça, un peu. C'est... Donc, du coup, ça a créé les work songs. Et les work songs se sont encore transformés. Parce que, après l'abolition de l'esclavage. 1865. C'est ça, 1865. C'est dans tes cours d'histoire, apprends-le, c'est pour le brevet. Les Noirs, ils chantaient en public. Ouais. Et ce qui a donné le gospel. Ah. Et le gospel, quelle est sa particularité? C'est que du coup c'est une chorale qui est aussi accompagnée avec des instruments. Et pas forcément cette fois-ci religieux. Oui, c'est ça. Voilà. À propos des esclaves, t'aurais pu glisser un mot sur la capoeira si tu connais l'histoire. Oui, la capoeira qui vient d'Angola, de Guinée, donc un pays africain si je me trompe pas. Exact. Afrique du Sud. En capoeira gros. Qui est un vrai sport de combat à la base, c'est les esclaves. On sort de la musique, mais bon, la musique a une part très importante dans la création de la capoeira. C'est pour ça qu'il y a de la musique avec la capoeira, je vais vous expliquer pourquoi. De base, c'est des esclaves, encore une fois, pendant la période d'esclavage. Ouais. Ils ont inventé la capoeira, ça n'avait pas de nom à l'époque, mais ils s'entraînaient à combattre, en fait, mais devant leurs oppresseurs. Les blancs, on va pas se mentir. Ils n'avaient pas le droit de. Ils n'avaient pas le droit de faire de sport de combat. C'est comme quand on imite. Ils faisaient semblant. C'est pour ça qu'ils faisaient des gestes ou qu'ils se touchaient pas, ou voilà. Mais ils s'entraînaient quand même, en fait. Et pour montrer encore plus qu'ils s'entraînaient, il y avait les autres autour qui regardaient et ils faisaient un peu de musique. Voilà, ils faisaient des rythmes avec leurs mains, ils faisaient des trucs. Comme ça, ça passait pour une danse. Ça passait comme un. Ouais, voilà, une danse, une coutume de chez eux. Et voilà, ils mitonnaient, clairement. Et c'est comme ça que la capoeira est née. Et après, ça s'est exporté. Après, ils ont rajouté des vrais instruments. Et ils se cognaient moins aussi parce qu'il n'y avait plus vraiment d'utilité de cogner les gens. Mais ça cogne en vrai la capoeira. Et il y a même un style de capoeira qui est la capoeira Angola. C'est la plus vicieuse des capoeiras. Non, c'est celle-là, Teddy. Je peux pas être aussi vicieux. J'y arrive pas. Parce que j'ai déjà joué contre des professeurs. El professor non. Je sais plus comment on dit en portugais. Ils faisaient la capoeira Angola. haut et respectait que dalle ni personne. Tu t'en prenais plein la gueule. Mais bon, voilà, c'était fun. En tout cas, on faisait de la musique et tout. Et ça, c'est vrai que c'est une partie très importante de la capoeira. La musique, ça compte. Voilà. Petit placement de produit. Je pense que à propos des esclaves, c'était intéressant de glisser hein, le fait que ça. C'est pas faux. Comment ils se sont servis de la musique pour arriver à leur fin? Ils ont raison. La musique, ça peut servir à tout, à apaiser les mœurs comme les créer. Apparemment. C'est ça. T'avais fini sur la chorale? Ah, elle est perdue, elle s'est captivée. Je réfléchissais parce sur les origines religieuses. J'avais en lu cas. À peu près toutes mes notes, donc du coup, je relis encore. Vas-y. Mais c'est que le truc, c'est que dans les work songs, il y a plusieurs mélodies aussi. Ouais. Et du coup, tout ça, ça forme le négro spiritual. Ouf. D'accord. Voilà. Quelle est la particularité de ce style? Bah c'est que du coup bah c'est comme les work songs sauf que il y a plusieurs bah tout le monde ne chante pas forcément la même mélodie. Ça peut être et avec des groupes qui peuvent se répondre, enfin ça peut faire un gros bordel, ouais. Ouais. D'accord. Des choses grandioses. Alors, ça me fait penser à un truc, un concept, on voit ça souvent dans les stades de rugby. Oui. Ils ont des espèces de chansons paillardes à la con. Ouais. T'as un meneur. Genre, il dit, les culottes, elles sont quelle couleur? Et t'as les autres. Oh, c'est pas ça qu'ils disent. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et les autres, ils répondent, elles sont rouges. Je sais pas, truc du genre. J'étais en train d'imaginer le cri là d'un coup. Pour... Oui, mais c'est. Je t'assure. C'est question-réponse. Enfin, c'est mais ce oui. que le chant permet. C'est... Question-réponse en chantant. Alors, en gueulant, hein, au rugby, ils gueulent plus qu'ils chantent. Mais ça donne un truc vachement sympa. Oui. Ça fait pas hier, je trouve, mais bon, non, ça. Non, parce que je viens de voir un truc, du coup, ça me. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, j'ai vu que ma mère, en fait, elle est en ligne. elle m'a envoyé une araignée. J'ai cru qu'elle venait juste d'arriver sur les culottes en rouge. Non, mais c'est le fantasme à Teddy, hein, les culottes rouges. Ouais, j'ai une collection chez moi, regardez mon short rouge. C'est vrai qu'il a baigné tout en rouge. Non, par contre, ce qu'on a, c'est pas une culotte rouge, c'est un extrait de ta chorale pour le coup. Oui. Parce que tu la chantes. Chorale que j'ai fait lors du confinement. Le confinement, c'était en 2020. Waouh, ça remonte. Il y avait écrit 2021, je crois. Non, c'était 2020-2021. Non, mais 2021, voilà. C'est peut-être la date de parution de la vidéo. C'est ça. Voilà. D'accord. Là. Donc, on va en écouter un petit extrait. Hein, c'est si parti. C'était quoi la chanson de base? Show Must Go On. Show Must Go On. De Queen. Oui. Mes oreilles d'experts me disent, oui. C'est bien. Par contre, je dirais qu'il y a un petit problème au niveau du son parole instru. C'est-à-dire l'instru est peut-être un peu plus l'instru fort. L'instru est peut-être trop fort. Hein. Un peu, oui. Ou c'est vos voix qui sont pas assez fortes. Parce peut-être, que oui, vous êtes tous jeunes et ça se ressent en fait, dans la voix. Il y a plusieurs personnes qui chantent et du coup, c'était plusieurs vidéos, donc c'était compliqué. Donc, oui, bah, ouais. En plus, voilà, il fallait tout. C'était un montage. Ça a été un sacré boulot, je pense, pour le gars qui a dû tout mettre. Mon prof. Ton prof? Ah bah, il voilà. s'est amusé. Ouais, bah, il s'appelle oui. comment ton prof? Monsieur Héron. Eh ben on lui fait des gros bisous à hein, Monsieur oui, Héron. On l'embrasse, oui. Attends, c'est on, lui, bon, on lui souhaite un bon vol. Un bon vol. Bon vent, voilà. Bon vent, Monsieur Héron. Bon vent. Parce qu'il joue de l'instrument avant. Parce que Queen, c'est une envolée quand. C'est vrai. Lyrique, évidemment. Ah bah oui. Ah. De la musique, on en a aussi, nous. Oui. Il n'y a pas que la chorale Collège Malraux d'Amboise qui en a. Ah oui, on n'avait voilà. pas cité, c'est vrai. Oui, bah oui. Oui. Et nous avons des artistes qui reprennent d'autres Bruxelles artistes, Jeten, un peu comme oui. vous. Ouais, Bruxelles Jeten, d'Angèle. D'Angèle, oui. Ouais, on a Caro Léoni qui va la reprendre. Reprend, alors, ce que ça stars. Donne. Peck Avenger, c'est comme. Dans Dragon Ball. Oui, allô. Je n'entends rien. Oh, excusez-moi, mais mon téléphone est à faune. Mais en différent. Ouais. Tu l'aimes bien le tordu. Ce tortue sacré tortue génial avec son téléphone à faune. Toujours. Tu sais qui j'aime bien aussi? À faune, son. Bon, ça va bien avec l'émission. C'est ça, oui. Tu sais qui j'aime bien aussi? Oula. J'aime bien Stéphanie, et pas de Monaco. Ah. Ouais, Stéphanie, la maman de Jade qui nous écoutait. Stéphanie, bisous. Hein. Coucou Stéphanie, Stéphanie, bisous, bisous. On te dit à la semaine prochaine. Non, on te fait des bisous. On la garde encore un peu, ta fille, histoire de finir cette émission sur les instruments de musique. Oui. Kevin, toi, tu vas me parler de quoi? Du piano. T'as déjà joué du piano debout? Non, mais j'aurais bien aimé. Debout? Non, le piano, oui, mais jouer du piano debout, non. Ah, je croyais que tu voulais avoir une touche. Mais... mais il est pas pêcheur. En même temps, t'as fait du foot, les touches, tu connais? Les bancs. J'ai pas la remise en touche, non. J'étais trop devant. Ah, il connaissait que les bancs. Non. C'était une blague de footeux. Oui, je sais, merci. Chauffeur de banc de touche, oui. Ouais. Aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On s'arrêtait là sur le foot. Ouais, c'était pas ouf. Donc oui, tiens, je vais parler du piano, mais plutôt que de présenter l'instrument, j'ai été m'intéresser plutôt au piano dans la pop culture. Mmh. Mine de rien, c'est un instrument qui est beaucoup pris. Oui, t'as dit. Ouais, j'ai rien dit. Non, mais que t'as fait une tête bizarre, c'est pour ça. Regardez. Non, c'est qu'il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est la pop culture. Oui, mais qu'est-ce que c'est la pop culture? Bah, c'est les jeux vidéo, la musique, les films, un peu. On savait en fait. on arrive presque aux dernières émissions de la saison. Et ouais, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant un an là? C'est tellement ça. T'as jamais défini la pop culture? Non, mais oui. Du coup, tu en vois beaucoup et t'as, j'imagine que t'as des exemples. Oui. Alors, par exemple, il y a un jeu sur téléphone, Piano Ties. On va reprendre des musiques classiques, que ce soit. Par exemple, tu as un bed, Teddy, un bed. Même une musique qui est reprise d'un manga. Ouais, je te passe la première. Oui, tu peux la mettre. Ok. Je connais pas le manga. Non. Oh, si. Ah non. Non, c'était un piège. Les premières notes, c'était un genre Fairy Tail, je crois, un truc. Non, j'ai cru que c'était Naruto. Si, c'est Naruto. C'est Naruto ? C'est Bluebird, oui. Ouais, c'est bien, j'en étais sûr. Là, par exemple, bah, c'est l'opening 3 qui a été repris, mais. Ah oui, mais au piano. Oui, au piano. Ah oui, non. Pendant. C'est pas Fairy Tail. Bah non, autrement, si je le mets en normal, c'est trop simple à trouver. Ouais. On va tuer les openings. Il y en a deux qui se sont emballés là-dessus. Et donc, bon, sur ce jeu, donc, que ce soit une musique classique, musique de jeu vidéo, il y a aussi musique de manga, donc opening, thème, ending, donc opening, musique de début, ending, musique de fin. Il y a vraiment de tout dedans. Mmh. Et c'est un jeu qui est assez bien à jouer, bon, ça tue le temps, totalement. Ouais. C'est bon. Est-ce que c'est pas le but d'un jeu de base? Bah si. Oui, le but du jeu c'est de s'amuser et effectivement tu le temps aussi. Donc, c'est ça. Bah, c'est bien. En plus il est sans connexion donc du coup t'es dans le train. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Voilà, t'es sur les chiottes. Tu t'occupes. C'est ça, oui. Tu fais de la musique, tu deviens Mozart sur les chiottes. Ouais, c'est ça. Après donc, j'étais cherché dans les autres jeux, les bandes originales sont des jeux. Et bon, on va commencer par des jeux un peu surprenants de deux. Assassin's Creed. Assassin's Creed? Oui, j'ai jamais joué. Oui. Tu l'as derrière. Ouais. Il est très très fin, mais tu l'as derrière. Bah, il fait pas beaucoup de touches en fait. Non, c'est ça. C'est 2-3 touches. Ouais. Et on a la voix en plus avec lui. Et celui-là qui accompagne. Et donc, on a aussi un instrument à cordes que j'arrive pas à déterminer. C'est un arc, non? On dirait un peu. Oh non, c'est une. Non, pas un arc, c'est une guitare, je crois. Une guitare, mais un peu spéciale de l'époque. Ouais. Peut-être un. C'est une acoustique. C'est une acoustique, t'es sûr? Ouais, ouais. Ça fait un son très. Alors, ça peut être une folk, quelque chose comme ça, ouais, mais c'est de la gamme acoustique. C'est quoi ce qu'ils avaient comme instrument, les bardes, à l'époque? Ah, c'est une harpe? Non, pas une harpe. Non, ils avaient autre chose. C'est pas là. Je vois ce que tu veux. Ah, oui, une lyre. Non, pas une lyre. Si, une lyre. Non, c'est un instrument à cordes. Là, ce qu'on entend, c'est un instrument à cordes qui ressemble à une petite guitare. Avec un gros coffron et un long manche. Bah, c'est le banjo? Peut-être. Ouais. Mais non, c'est Daniel. Ah, le gros coffron, en, oui. En version un peu. Parce que moi, je l'ai schématisé dans ma tête, mais c'est voir tes cordes vocales. Donc, cette musique, écoute. On peut la retrouver dans Assassin's Creed 2. Ouais. C'est le thème de la Ezio Family. Et ça, il est pas du tout modifié. Non, ça, c'est le thème originel. D'accord. Donc, qui a été créé par Jasper Kaïd. En même temps, l'Italie, le piano, ils aiment bien tout ce qui est piano. Ça se passe pas en Italie, de Assassin's Creed 2. Ouais, mais Ezio, ça vient d'Italie quand même. Hein. De Firenze. Bon. Florence. Ça y était. Ouais, c'est moins beau en français, mais bon. Tiens, on va finir. On va commencer avec le quatrième. Tiens, on va te faire un petit piège. Le quatrième. Alors attends, toi, t'as mis dans quel ordre? Ah ben non, donc c'est bon, c'est dans l'ordre. On va continuer avec Minecraft. Oh. Minecraft au piano? Oui. Oui. Ouais. Ah oui, ah oui. Là, bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Et là, tu attends. C'est ça, c'est une musique dans... dis, wow. Bah, c'est l'écran de chargement. Ah, même dans le jeu, c'est ça. Ouais. Oh. On pourrait la mettre comme musique d'attente au standard quand on répond pas là. C'est tellement vrai. Ça. Donc composé par Daniel Rosenfeld. Ah. Oui. Ah. C'est Daniel. Oui. C'est moi. Daniel il dort. Daniel il dormait. Daniel c'était bon. Vous êtes bien au 09 70 407 306. Nous sommes là mais nous ne répondons pas. Voilà. Ce qui est marrant c'est qu'il y en a qui filent des numéros, il y en a qui font du son bruitage de Minecraft. C'est le bordel total. Et puis il y en a qui dorment. Mais c'est ça l'esprit Minecraft. Mais oui c'est ça. Vous êtes à 5, on est 5. Il y en a 5 qui font tout et n'importe quoi dans Minecraft. Moi personnellement dans Minecraft je craftais une canne à pêche et j'allais pêcher après. Et j'allais m'occuper d'autres choses en même temps. Donc le jeu c'est pas un jeu qui m'intéresse moi. Moi j'adore. Moi je construisais plein de trucs et souvent les mêmes trucs. Bah, en j'ai survie du mal, ou en... Moi, en créatif. Ah, on faisait que du survie. Je suis bien survie, en créatif. C'est un peu mieux quand même. Ah, survie moi j'adore. Oui. Donc j'ai pris 4 jeux. Ouais. Donc, pour le dernier, alors je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé alors que c'est un de mes jeux préférés, Tomb Raider. Ah oui. Crochet. Ah ouais, celui-là. Au piano. Oui. Ça va pas être exploration. J'ai envie de m'endormir avec. Bah là, c'est un peu mystérieux quand même. T'as un côté mystérieux. C'est ça. Et donc ça, c'est le main theme de Tomb Raider Definitive Edition, donc sorti en 2013. D'accord. Et... Parce qu'il était pas dans l'édition de base. Non, dans l'édition de base, non. D'accord, ils ont refait un peu leur... Mais on va dire que Tomb Raider, c'est un peu leur spécialité. C'est chaque... Oui. Chaque... épisode va être différent en fait, aussi bien par rapport à la musique que par rapport à l'ambiance, ils vont totalement changer. D'accord. Et c'est sans doute pour ça que bah, c'est ma saga préférée personnellement de jeux vidéo. Mm-hmm. C'est pas pour les gros boobs. Non. De Tomb Raider, mais tu sais pointu là, c'est des premières versions. Non. J'adore les précisions à chaque fois. De oui. Non mais il y a même un truc sympa à savoir là-dessus. Enfin, comment on peut dire, une légende. Dans ce jeu, comme quoi si tu la faisais une série de manips de boutons sur ton personnage, en fait si tu le faisais tourner sur lui-même plusieurs fois et tout, ça disait dans la légende évidemment que Tomb Raider, comment ça s'appelle ça, non pas Sarah O'Connor, ouais, je me suis... Sarah O'Connor, rien à voir, non, rien Terminator, si tu la faisais tourner sur elle-même, elle perdait son haut. Ah ouais. Et ben c'est pas vrai. Ouais. Dans le 1, tout le monde y a cru. C'était une légende qui a fait tourner. Enfin, bah, tout le monde y croyait. Tout le monde. Mais ça, oui, non, mais ça a fait le tour du monde. Et dans le 2, oui, voilà. Dans le 2, les créateurs, ils ont pris ça en compte. Ils se sont dit putain, on va leur foutre une petite connerie. alors non, elle enlève toujours pas son haut. Par contre, ton personnage explose. Tu vois l'intérieur. Ouais. Enfin, l'intérieur pixelisé. Ouais, en ouais. Ouais, les cordes vocales. Ça intéresserait Jean Abitbol. Et donc, cette musique, elle a été composée par Jason Graves. Certes, je ne connais pas ce type. Personne. Bah, va falloir. Bah, après, c'est souvent Tomb Raider. Après, il y a vraiment les fans le connaissent. Oui, oui. Les fans hardcore. Après, personnellement, je vais pas te mentir, avant de faire les recherches par rapport au thème, je ne mais savais qui pas qui l'avait fait. Ah, mais souvent, les thèmes des jeux, j'essaye d'éviter d'aller voir qui les a fait, vu qu'autrement, tu passes trop dans le truc et c'est chiant. Ouais. Quoi. Après, tu deviens trop un. Un expert. Ouais. Genre, t'as pas moi, envie. Tu sais quand est-ce qu'il est sorti, moi je sais. Déjà que bon, je passe. Tu deviens chiant en fait. Déjà que bon, je passe. Tu te fais passer pour dessus, la Théo. Oui. T'as deux autres musiques, mais c'est pas des. Non. Jeux, ni alors, des la dernière, c'est un bed que ouais. Tu peux mettre là par exemple. Ok. C'est pareil, une musique de manga. Oh! C'est une reprise. Combien oui, les tacos? Oh, pardon. T'as dit tacos? C'est une parodie de Tokyo Ghoul. Ah oui, parce que. Oui, je me suis dit tacos, ça y est pas dans le vrai. Hein. Non, ça y est en pas. Fait, non. En fait, c'est une sorte d'hallucination. Hallucination auditive. Voilà, c'est ça. Où est mon tacos? Non, c'est ça que t'as dit? C'est combien les tacos? Je verrai plus Tokyo Ghoul de la même manière. Non, mais moi non plus, t'inquiète. Hein. Ah mais j'adore moi ce genre de choses, les tacos, ça ah va. Bah, c'est bien, oui. Et donc, on va finir avec la musique, vu qu'évidemment le piano en musique, il y en a quand même beaucoup qu'on fait. Ouais. Donc, j'en ai mis 3, vu que pour moi c'était les 3 principaux. Wolfgang Amadeus Mozart, évidemment. Chopin, c'était pas du piano aussi? Qui ça tu dis? Chopin. Bah, de toute façon, tout est parti des grands compositeurs, mais il y en a plein. Le piano, il est partout. Il y en a tellement. Parce qu'effectivement, Mozart, c'est le premier qui m'a inspiré. Bah, c'est ça, je me voyais mal. Ne pas parler de, oui, piano, voilà, de Mozart, Mozart. Voilà. Comme ne pas parler de Beethoven. Wolfgang aussi, hein, il est grand. Ouais. Hein, effectivement, t'as cité les. Bah, Wolfgang, les Amadeus, Mozart. Mozart. Ouais, Amadeus, je connais pas. C'est son prénom complet. Wolfgang, Amadeus, Mozart. C'est son prénom complet. Non, on le connaît que Mozart, mais son. Alors, Wolfgang. Si tu me dis Wolfgang, c'est pas le même. C'est le même perso. Oui. Wolfgang Amadeus, c'est les prénoms. Y a pas un autre gars qui s'appelle Wolfgang tout court. C'est son nom entier. Ah, ben oui. Wolfgang, c'est un prénom connu. Mais, c'est ça. Mais si tu veux voir des films justement sur Mozart, tu vas voir Amadeus. Les films s'appellent. D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous avez pas vu la tête à Teddy nous dire. Y a pas un autre gars qui s'appelle Wolfgang. Ah ouais, parce que pour moi. Bah si, y en a même plusieurs. Bah, c'est un prénom. Bah ouais, hein. Je pense. Ouais. D'accord. Donc évidemment, notre Beethoven aussi. Ouais. Qui a évidemment fait beaucoup de choses aussi. Ouais. Bah Beethoven, chien sauveteur, façon... Beethoven à la montagne. Oui, Daniel, t'allais dire. J'allais dire, non, bon, ouais. Oui, tous les grands compositeurs. On peut c'est aller ça. Après. T'as Franz Liszt. Bah Chopin comme oui tous oui il y en a trop en fait oh ouais. C'est... on juste pourrait tous faire un petit sujet sur ça, c'était compliqué vu il y en a tellement que en vrai on pourrait faire une émission complète dessus. Ah bah rien que sur les personnes de musique, mais enfin les remarque, compositeurs célèbres peut-être que ce sera il a raison Kevin, la musique classique dans la pop culture est beaucoup plus présente que ce qu'on en croit. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Ouais, on en parlait la semaine dernière sur les ou la semaine d'avant sur les musiques qu'on remet dans les pubs qui font découvrir classiques à ceux qui connaissent. Attendez, une anecdote, il me faut une anecdote. Vous savez les musiques de pub. Oui. Genre Un Autre Monde, Believer, tout ça. Toutes ces chansons, je les ai faites en chorale. J'étais en mode, mais ils copient ou quoi? À chaque fois que je vois une opus, je me dis, non, mais ils sont sérieux. Encore non, le I Can Get You Over My La La La. Tu te dis, mais je l'ai fait en chorale. Moi, je soupçonne ton prof de chorale de regarder beaucoup la télé. Mais non, c'est pas possible parce que les pubs, elles existaient pas avant que je fasse la chorale. Mais non, mais c'est que les musiques, elles existaient d'avant en fait. Oui, mais quand même. C'est ça, enfin, c'est ça le piège. Pour nous, jeunes, néophytes, c'est comme ça qu'on dit. Quand tu découvres, néophytes, oui, c'est ça, c'est ça. Tu connais pas les vieilles musiques, parce que, enfin, les vieilles musiques, les musiques d'avant, nous, qui sont. Bah, plus, déjà, qui connaît pas beaucoup, ça le ouais, c'est ça. Ouais. Bah, oui, déjà, ce qu'on appelle les classiques au sens large, que ce soit de la musique classique ou pas, mais les choses qui sont entrées dans la. Mais c'est ça, on en connaît certaines, tu vois, certaines qui ont perduré, genre, je suis pas du Johnny Hallyday, on en parlait tout à l'heure, ça existait avant nous, ça existait encore un petit peu à notre époque quand même, faut pas déconner. Mais il y a plein de trucs qui existent avant nous qu'on connaît, mais il y a d'autres petits trucs que eux ils ont pas eu cette chance de perdurer si loin que ça dans l'esprit des gens, mais du coup ils les ressortent dans les pubs. Du coup là tu dis ah bah enfin les personnes plus vieilles reconnaissent la connaît. Mais non mais c'est ça, eux ils reconnaissent, ils ont la ref, mais nous on est là genre oh putain c'est nouveau dans les pubs comme dans les films comme dans les chansons bien sûr, de rap etc. Il y a beaucoup de morceaux qui sont des reprises Et, tiens pour finir je vais un peu retourner dans le passé vu que c'est une musique que j'ai dû apprendre à l'époque au collège. Vas-y. Michel Berger, la groupie du pianiste. Mon prof de musique nous l'avait fait apprendre à l'époque. Vas-y. Avec France Gall. Oui. J'ai pas l'impression que c'est toi qui l'as chanté là ? Alors non. J'hésite à la lancer. Non, t'inquiète pas, c'est la version de Michel. Original. Oh, ça ? Oh. Ah oui, je l'ai fait. Et moi aussi, je l'ai chanté. Je la déteste cette musique. On l'a toutes les deux subie. Oui. Bah, c'est un montage en fait. Il y a eu un petit montage. Ouais. Quand seul dans son lit, le soir entre ses draps roses. Ah non. Elle l'aime, elle la donne. C'est beau qu'elle aime, c'est beau comme elle aime. Pom, pom, pom. Mes oreilles. Elle la donne, c'est beau comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Ah, oh, c'est beau. Ah, je peux pas. Ah, c'est trop dur pour mes oreilles. Alors, t'inquiète pas, Daddy. Honnêtement, je l'ai pas chanté celle-là. Ah bah, j'espère bien. Tout à l'heure, pour reprendre, comme tu disais, les footballeurs, je faisais comme ceux qui chantent pendant l'hymne national. Je faisais que de bouger les lèvres. Et le pire, c'est que j'ai eu 18,5 sur 20. Ah, c'est joli. Ouais, parce que. Ah ouais, non mais. Mais c'est qu'il remet bien des lèvres. Ah ouais, dire, non, hein. mais c'est vrai que les épreuves de musique, quand tu devais chanter et noter, ils faisaient chanter en groupe. Oui, ils faisaient pas chanter tout seul. Non, on passait par trois. Ouais. Oui, c'est simple. Il disait prends quelqu'un et tu choisis deux autres personnes. Donc moi ce que je faisais, j'étais déjà un petit malin à l'époque, j'essayais de repérer ceux qui chantaient le mieux. Bah c'est ce que les gens de ma classe font. Bah oui. Mais moi je leur dis frérot, merci, ça me fait un 20 sur 20. Bah oui, quand t'es malin. Ah ouais non. Quand t'es malin. Ouais non, c'est pas ça. Nous c'était les trois de la table hein. Par rangée en fait. Et du coup si t'étais dans le fond de la classe avec parce que je m'habitais dans le fond de la classe en musique. T'as un peu de chance. Alors ça devait être marrant. Faut juste espérer ça que va, tu passes pas dans l'heure. Ouais, j'avais genre du 13 ou du 14. Ça passe. Ah quand même, c'était pas mal. Moi je chantais du Mon Ami la Rose hein. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pas la même. C'est pas pareil. Non. Ouais. Mais c'est plus sympa, je trouve que c'est bizarre ça. C'est la même chose en différent. C'est la même chose en différent. Exactement. Après donc pour finir, donc il y a d'autres chanteurs ou pianistes connus tels que Elton John par exemple. Bien sûr. En fait. Ah oui. Michel Sir Pondre. Elton John. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y en a tellement que bon. Il y a un film d'ailleurs qui va sortir bientôt. Ouais, j'avais étonné de voir que Alicia Keys était pianiste aussi. Oui. Ah ouais, ouais. Oui. Ah oui, c'est pas. Honnêtement, c'est... Ouais. Oui, il y a beaucoup de monde auquel tu ne penses pas forcément tout de suite. Bah, les Américains tout court déjà. Ouais. Juste. Moi par exemple, il y en a un que je connais, c'est Serge Gainsbourg. Jamais j'aurais parié dessus. En même temps, Serge Gainsbourg, j'aurais jamais parié tout court dessus. Mais c'est vrai que un de ses premiers boulots, c'était pianiste dans les pianos bars. Ouais. Et il faut oser remonter dans le temps parce que moi, on m'a fait découvrir en fait une. On connaît l'époque la plus récente de Serge Gainsbourg, mais en fait, quand il était beaucoup plus jeune, même ses chansons étaient complètement différentes. Il était moins paillard, j'ai envie de dire. Ah non, mais et puis même le rythme, enfin, le genre, si tu connais pas, tu te dis ça, c'est du Gainsbourg, je reconnais la voix, mais alors c'est pas du tout la même chose. Il a une chanson qui a gagné l'Eurovision avec France Gall. Oh, les sucettes. Ah, c'est Sucette. Ouais, c'est Gainsbourg. Ah ouais. Ouais. Ouais. Je pensais que c'était comme les Strip. Non, qui a gagné l'Eurovision. Ah, il y en a fait d'autres qui n'ont pas gagné l'Eurovision, mais celle-là a gagné l'Eurovision. Ok. Alors, de la musique, oui, on peut envoyer de la musique, oui. Ouais. Waouh. Ça, c'est censé être une intro, mais t'entends. Ouais. C'est La Savès, N-I-M. Nem. Nem. T'aimes les Nem? Je suppose que je raffole. Tout ça tape sur Indestar. Ouais, moi, je préfère les sushis, perso. PK Avenger sur Indestar. Ah, mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avenger. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à... Ouais, oh, c'est tout doux à côté. Ouais. Ouais, ça m'a surpris, ça m'a C'est rare qu'on mette ce genre de bed dans PK Avenger. Hein. Ouais, généralement, c'est du violent. Bah, d'habitude, on se tape plus dessus, limite. Ouais, d'habitude, c'est genre ça. Là, c'est piano. Ah ouais, c'est tout doux, ça m'a coupé. Ça me rappelle une chanson. Piano. Nanana. Il y a Jeanne qui s'endormit. Ça me donne envie de dormir, moi, des trucs comme ça. Bah, peut-être que Daniel va te réveiller avec la guitare encore. Ouais, parce que nous allons parler guitare encore. Wow. Mais cette fois-ci, pas l'histoire de la guitare elle-même. D'accord. Posez-moi des questions. Que voulez-vous savoir sur la guitare? Combien c'est le connard qui a inventé ça? Non, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Attends, je sais. Pourquoi le gars il s'est dit pourquoi 4 cordes et pas 3 voire 2? Parce que 4 c'est une basse. D'accord. Ouais. Pourquoi en fait, pas 6 cordes? En fait, 6 c'est un standard qui a été fait, mais une guitare peut très bien avoir que 4 cordes, 5 cordes, peut en avoir 12 de toute façon. Elles peuvent être doublées, elles peuvent être. Y a pas de trop. C'est moins pratique. J'imagine la personne qui joue. Ah oui, mais ça fait des sons. Je sais pas si on a vu quelqu'un qui est venu avec une guitare à 10 cordes d'ailleurs ici. Elles sont doublées là. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait un son. Alors sachez que chaque type de guitare, correspond généralement à des styles. Ouais. Il en existe quand même une, hein, qui s'appelle. Je vais donner le nom après tout, Oui, qui s'appelle la Solid Body. Mmh. Et là, vous pouvez faire du pop, du rock, du blues, du funk, du hard, du metal, quasiment tout ce que vous voulez. Donc, si vous avez une Fender Stratocaster ou une Gibson Les Paul Custom, on a parlé tout à l'heure au tout début. Voilà, ce sont donc Solid Body corps plein. Donc, vous pouvez jouer quasiment ce que vous voulez avec. Moi j'ai une folk à la maison, le son super or machin, mais alors tu te niques les doigts quand tu t'as pas joué depuis un moment là, que t'as pas refait la corne. Ah bah ça, oui. Wow, tu prends pas coupes les doigts. Le médiator. Ouais, un médiator. Je suis pas habitué pour faire. De toute façon, non mais attends. Pour parler entre ton doigt et la corde. Attends, le médiator c'est pour gratter la corde au niveau de la caisse de résonance. Mais quand tu pinces les cordes au niveau du manche. Bah tu prends une pince. Non, là t'as pas le choix. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez quand on a reçu Mariotte. elle avait vraiment vraiment de la corne sur les doigts. Oui. C'était assez impressionnant. C'était impressionnant. Il faut se faire les doigts. Oui. Après, vous avez donc des caisses qui sont faites pour, enfin, des guitares pour le rock et le blues, comme la semi hollow body, donc la caisse à moitié creuse. Ouais. Et vous en avez des à moitié creuse. Tu sais traduire. Et t'as les autres, les caisses à moitié pleines. Voilà. Qui sont comme les verres. Qui sont presque pareils. Oui. Voire pareils. Vous avez alors, il y en a une par exemple qui est complètement creuse, qui est vraiment adaptée pour le jazz. Certes. Bon, oui. Une caisse. Moi, j'aurais pas dit mieux. Oui. Alors, chaque élément de la guitare a quand même son importance selon ce qu'on veut jouer. Le type de bois aussi. Même la peinture. Non, oui, certainement. Et la finesse. La finesse. Alors le bois, ouais, ça je sais pour le coup. Parce que, voilà. Vous avez alors John Bolin, qui est un spécialiste des guitares, qui est encore pas très connu du grand public en France. C'est comme l'histoire de Les Paul, encore aux États-Unis. Qui lui est un spécialiste des guitares qui sont en général personnalisées sous licence de personnages pop culture. Alors il a fait par exemple une Batman, une Joker. Oh. Avec des sons adaptés au personnage. J'avoue que ça doit être bien ça. Ah ouais. D'accord, donc il doit choisir un bois spécial, genre un bois noir pour Batman. Enfin, il peut la peindre après, mais genre peut-être. Mais en plus, les cornes, non le. Oui, puis la caisse, suivant le bois utilisé. Ouais. Parce que le bois, ça change effectivement le son. Voilà, le bois, même le manche, la longueur du manche aussi change. Bah, la longueur des cordes, tout court. Qui est la plus longue? Non, la. À la longueur des cordes, ça doit changer forcément quelque chose. Non, c'est pour les notes. Ouais. Souvent, comme tu les pinces, t'as pas la même longueur, oui, et voilà. Mais les cordes, c'est autrement, sont livrées longueur standard. Hein. Alors, la longueur, l'épaisseur, comment tu l'attends, enfin. C'est ça. Tout truc physique, en fait, ça va changer quelque chose. À part la peinture, par contre. Absolument, oui. Alors, faut quand même savoir que les bois des manches sont quand même généralement en érable ou en acajou. Ouais. Autrement, la plupart des guitares électriques sont. Constitués toujours d'acajou, d'érable, mais aussi peuvent être les corps contreplaqués. mais aussi de cuivre au niveau de la prise. celle-là, c'est celle que t'achètes de cash chez Emmaüs, hein, à mon avis. Hein. Il peut y avoir de l'aune, du tilleul, du frêne aussi. Du poirier. Hmm. Je l'ai pas dans ma liste. Il y est pourtant. Ah bon. De l'ébène. Oui, il peut y avoir quand c'est même. C'est bon, j'arrête. Il peut y avoir suivant les on fait feu de tout bois. Voilà. C'est vrai. Alors, quand même, à savoir que Gibson, le célèbre magasin. Oui. Fabricant, pardon. La célèbre marque, oui. Dont parle de Goldman dans sa chanson J'ai trop gratté sur les Gibson ou un truc comme ça. Quand la musique est bonne. Oh, j'ai envie de la chanter. J'ai trop gratté sur les Gibson. Tu veux pas de muter s'il chante? Pourquoi même. Franchement, Jade, si t'es là, fais-moi plaisir quand même. Demande. T'as chanté pendant tout le truc, c'est bon là. Non, juste un peu. Non, il a pas commencé encore. C'est ça le problème. Il a commencé Gibson et on commençait par fabriquer des mandolines. Ah, pour couper les légumes. Oui. Non, c'est bon, j'arrête. Non, les mandolines à cordes. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs mandolines, effectivement. Oui. T'as l'instrument en cuisine, enfin qui est pas un instrument d'ailleurs, et t'as effectivement une mandoline qui est un peu différent d'une guitare parce que c'est plus petit. Non, c'est quoi la différence? C'est aussi un instrument à cordes qui est conçu de façon différente. Non, d'accord. Bon, voilà. Okay. Qui n'a pas le même nombre de cordes en général aussi. Enfin, trois cordes. C'est pas. Puis mandoline, ça fait italiano. Tu parlais de Firenze tout à l'heure. Hey. La mandoline, ça fait italien? Ouais. Je sais pas. C'est la mandoline. Je pense à la cuisine, j'ai que de la cuisine en tête. C'est la mandoline. La main italien, la main. La mandoline. Bon, bref, bref. Vous connaissez des guitaristes, justement, célèbres? Il y en a qu'un seul que Eric je connais. Clapton. Il y a Hendrix. Brian May. Brian? Bruce Brian? Oui, it's in a Bah non, it's in a salle de room music alors, room. Alors, effectivement, il y a Hendrix qui est considéré comme le dieu de la guitare, guitare électrique. Quelle était la particularité d'Hendrix? J'aime bien la rappeler, mais... De s'appeler il Jimmy. Il cassait des guitares. Non, alors, il était gaucher, mais il jouait avec une guitare cordée comme pour un droitier. D'accord. Oh. J'ai un son pour lui, je crois. Oui, tiens, tu peux le mettre, d'ailleurs, parce que... Et une autre particularité, il tordait le manche de sa guitare quand il jouait. C'est pour ça qu'il arrivait à obtenir des sons comme celui-ci que personne on a réussi à reproduire. C'est très casse-couille. Ouais. Mais là, j'ai pris un cri. Non, mais là, j'ai pris volontairement un morceau qui est très représentatif de ce qu'il était capable de faire. Ouais, je vois. Parce que je crois qu'il est mort à l'âge de 27 ans, un truc comme oui, ça. Oui, il fait partie du club des 27. À force de distordre la guitare, il s'est distordu lui aussi. Peut-être. Alors après, il y en a des... Bon, Clapton, Jimmy Page, fondateur de Led Zeppelin, Keith Richards, les Rolling Stones. Keith Richards. Non, tu ne l'as pas. Non, je ne l'ai pas. Non, Kurt Cobain, oui. Carlos Santana, oui. Oui. Oui, que les plus anciens connaissent. Bien sûr. Et Mark Knopfler, Dire Straits, qui a créé un son quand Money même. Money for Nothing. Et là, c'est pas Money for Nothing, c'est Sultan of Swing que tu as. Ah ouais. Ouais. C'est un extrait aussi de un son très particulier obtenu. Ah, je connais, je crois. Ouais. Obtenu avec certains réglages précis de, on va dire de la guitare, certaines une utilisation avec des réglages précis. Ça fait un ting. Voilà. Je dirais qu'elle est aiguë, enfin entre guillemets. Là, c'est bien. Oui, là, il est sur la partie aiguë. Là, il est vraiment très près de la caisse là quand il joue là. Ouais. En effet. Il est pas sur le bout du manche. Il est vraiment sur le côté. Il a changé sa configuration et ça donne autre chose. Voilà, absolument. Alors je vous avais promis aussi une introduction qui est hyper rapide. Ouais, 10 secondes. Non, au niveau du de la rythmique. Je vous avais parlé de Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Mamie B. Goode. Non. Johnny B. Goode. Il pense qu'à la bouffe. Pour moi, Johnny B. Goode. Toujours. C'est... Ah, oui. Retour vers le futur. Ah, j'adore les références à Teddy. C'est génial. Il la joue. Et Marty, il dit vos enfants vont adorer ça. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, les parents. Alors, celle-là, donc, est hyper rapide. Elle est à 160 battements par minute. Battements de quoi? Battements de demain. Donc, plus d'un aller-retour demain. Ouais. À la seconde. Donc, ouais. Ça doit t'accélérer le pouce là quand tu joues. Ouais, je pense, ouais. J'imagine le poignet le lendemain. 2,7. Bah, mais bon, ouais. Il joue 20 secondes comme ça. Ouais. 2,75 battements ouais. À la seconde. Ouais. Violent. Ça fait. On descend, on remonte, on redescend quasiment entièrement. Ouais. Ça fait. Ça fait. Ouais, ça fait. Donc, du coup, quand tu joues de la guitare, tu apprends pas celui-là en premier. Non, surtout pas, non. Non. Non, non, surtout pas. Certes. Il y a un solo, un riff de guitare qui est hyper connu, qui est de Eddie Van Halen. Eruption. Ah. Et ça. Ah, si tu me le dis pas, je... Eddie Van Halen, le fondateur du. Ah oui, il va faire. Ouais. Et là, c'est pareil. Il utilise un petit peu ce qu'on dit. Le principe de la loop station de Wood Mike, c'est le principe. C'est pas ça. À l'époque, ça n'existait pas, mais on revient un peu sur le même principe. Ah, du coup, là, il les fait pas vraiment, parce que là, il est à plus de 160. Non, sûr. Non, on a l'impression qu'il est à plus de 160. Mais non, c'est que ça Je vais essayer de pas dire de bêtises. Je crois que c'est fait avec ce qu'on appelle la pédale wah-wah qui prolonge le son, mais pas en boucle. En fait, il répète le son juste avant, non ? Donc, il joue un son, le son est prolongé, mais pendant que ce son est prolongé, il en recommence un. D'accord. Okay. Voilà. Ok, je vois. Et c'est la pédale Huawei ? Huawei. Huawei ? Ah non. Ouais, Huawei. Non, Huawei, non. Huawei, c'est autre chose, ouais. Vous foutez de ma gueule pour Huawei ? C'est quand même la pédale Huawei. Alors, c'est franchement pas mieux. Bah, je préfère Huawei ou Huawei. Et après, il y a la pédale coin-coin, miaou, miaou. La pédale miaou, ça fait miaou parce que tu as marché sur la queue. Alors, je vais vous donner deux, trois autres noms de guitaristes avant de passer à un morceau que j'adore par rapport à la technique qui est utilisée. Les Moresquins. Oui, oui, bah justement. Ouais. Alors dans les grands guitaristes, il est reconnu Angus Young d'AC/DC. Ouais. Bruce Springsteen. Certes. Hein. Alors peut-être moins connu Rory Gallagher. Si Gallagher, Gallagher. Non, pas Liam. Les frères Gallagher. Ah. Non, non, pas hein. Ça me dit un truc. Non, c'est pas Liam Gallagher. Oui, mais Rory. Oasis. Rory. Oui, bah c'est normal, je t'en ai c'est parlé, pas Oasis, j'en parle quoi. Des fois. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais, des fois c'est un truc. Que je ne dise pas de bêtises, Liam Gallagher, c'est un Anglais, je crois que c'est de Birmingham, quelque chose comme ça, et Rory Gallagher, c'est un Irlandais. Que bon. Voilà. Il y a un aussi qui s'est permis de lâcher des gens comme David Bowie, je crois, en pleine tournée, Stevie Ray Vaughan. Il n'était pas d'accord, il a dit je m'en vais le jour d'un concert. Je m'en vais. Mais bon, il était tellement bon guitariste qu'il a tout de suite retrouvé du travail. Mon cher public, d'autres... je pars. Voilà. C'est exactement ça. Je vous aime, mais je pars. Bon, tu chantes et tu m'interdis de chanter, ouais, ça va pas, ça. Je suis pas d'accord. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Jade. Déant, il a trop saigné, va falloir le soigner hein, s'il a trop saigné. Hein. Ouais. On a la petite araignée là qui est apparue, la Jade, hein, du coup, on l'a baptisée. Ouais. Elle est partie dans le clavier de l'ordinateur. Je ne peux. Elle est-il accessible ? Elle a une touche. D'accord. Elle a une touche. Alors je vous ai parlé quand même de guitaristes connus actuellement. Il y a quand même eu aussi des précurseurs. Oui. Comme Moody Waters, John Lee Hooker, qu'on ne connaît pas non plus ici, non, mais. Non. Voilà. Si, deux noms, je connais. Au moins. Et autrement. Le dernier morceau que je vous ai réservé, les connaisseurs vont le reconnaître tout de suite. Ah oui, ZZ Top, La Grange. Ah non, La Grange. Vous êtes vraiment La Grange. Le genre de personne en blind test, genre c'est... une seconde. Non, non. C'est une technique très et particulière là, qui s'appelle le picking. C'est pas le picking à l'étalage, c'est le picking. Il fait pas durer la note en fait, il la coupe. Non, c'est des positions de doigts précises. Et avec, je crois qu'en plus il y a des enchaînements. Enfin, bon. Là, ça correspond à quelque chose de précis. Tu as, tu fais une note, tu donnes ton un petit coup et tu voilà, arrêtes et tout de suite. Et tu reprends. Non, tu arrêtes pas et tu reprends une note. Donc, t'es constamment en train de changer de note. C'est très, très, très difficile. Bah okay. Écoute, je comptais pas me lancer dans la guitare, mais ça. Mais non, tu comptes encore moins te lancer dans la guitare. Voilà. Voilà. Voilà. C'est bien ce qu'on avait compris. Alors. Mais on a vu dans tout ce que vous avez diffusé là qu'il y a du rythme qui est vachement important avec la guitare. C'est-à-dire, c'est pas que jouer des notes, c'est utiliser aussi la caisse hein, pour faire des petits coups là sur la caisse. Oui, il y a des gens, ils donnent des petits coups et dans puis, la caisse aussi. Descendre, remonter, hein, ouais. C'est ça aussi, oui. Hein, savoir dans les deux ça sens. Ça brûle les doigts. Enfin, retenez Les Paul et John Bolin, surtout Les Paul. Merci, Les Paul, parce que sinon, bon, quelqu'un aurait sûrement trouvé. Mais voilà, c'est. Ah, il s'amuse avec Jade. Ouais. Mais pas. L'araignée. On s'amuse avec. Avec Jade, l'araignée. C'est fini l'émission pour moi. Ouais. Elle a reculé à 500 mètres de son micro. Finalement, heureusement qu'on a mis une protection sur l'écran arrière parce que. Hein? Oui, c'est ça. On disait il craint rien, et on a dit finalement on va quand même mettre une protection. Oui. Ouais. Non, c'est bon, on l'a envoyé loin, t'inquiète pas. Voilà, ouais, je l'ai envoyé sur mes ardoises parce que qu'est-ce qu'on fait juste après? Un quiz. Ouais, je m'attendais à plus de. Non. En non, fait, mais... ils savent qu'ils vont prendre cher. Ouais, non, non, mais. Ça les emballe pas. Jade était là, on lui a laissé l'honneur, la chance de l'annoncer. Oui, mais. Moi, je me disais qu'on allait respirer parce que je pense que vous avez une musique qui concerne un peu ce genre de choses. Bref. Ouais, de Hickson. Ouais, c'est vrai que ça correspond à respirer, ouais. Effectivement. En tout cas, c'est sur Indestar. Les. Pika. Pika. Pika. PK. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar de 21h à 23h. Pika. Oh, qu'est-ce que tu peux lui mettre celui-là pour le quiz? Ouais, je le mets toujours avant le quiz parce que je ne peux pas faire ça. Oui. Sinon, je ne fais pas de quiz. Voilà. Bon, bah, sinon, il est... continue à le mettre alors. Ouais. Sinon, il est pas motivé. Ouais. Il est pas bien. Voilà, il déprime. Il j'ai une chiasse éclair, ouais. Du coup, je dois partir du studio. D'accord. Non. Mais comme vous l'aurez compris, à chaque fin d'émission de PK Avenger, nous avons un quiz. Un quiz qui se compose généralement de 5 questions, avec généralement pas forcément 3 propositions-réponses. Parce toujours. Que, oui. Parce que tu n'es pas salaud. Oui, voilà, c'est ça. Oui, et il en est heureux et fier. Tellement. Toi, il a raison. ça concerne effectivement le thème à chaque fois des soirées. Donc là, ce soir, c'est instrument de musique. Donc ça va parler. Ah bon? C'est soirée là. Mais oui. Il est reparti. Ah bon? Bah, je crois que j'ai raté toute l'émission alors. Eh ben, si t'as raté toute l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur indestar.fr? Ouais. Ou et alors... que doit-on faire sur indestar.fr pour l'écouter? Oh, cliquez sur un j'ai bouton. J'ai déjà dit aller sur indestar.fr, oui. Tu cliques sur un bouton lecture et ça te met la radio en direct. En d'accord. Voilà, mais si tu veux pas la radio, si tu veux écouter une émission que t'as loupée par exemple. Tout à fait par hasard, PK Avenger. Par exemple non, mais c'est. Vraiment par hasard. Voilà. Sur indestar.fr, tu as des symboles qui correspondent au nom des émissions. Donc t'as un symbole Bordeaux qui correspond à PK Avenger. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre la liste des podcasts disponibles. Oh, alors c'est ça, c'est sur le site. Après, sinon, vous pouvez aller sur votre plateforme préférée de podcast, hein, genre Spotify, Deezer, ainsi de suite. Ça marche aussi. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, cela, mais ça marche. Ah non, nous on va que sur indestar.fr. Donc, bien sûr, c'est plus rapide. Voilà, hein, c'est plus simple pour moi, jeune, voilà. Moins jeune en fait. Jeune, voilà. Moins jeune, d'accord. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler si vous avez envie. Oui. Voilà, ça, c'est gratuit. Alors, ne le faites pas maintenant. Bah non. Je vais faire de la psychologie inverse. N'appelez pas, et là ils vont être 10 à appeler. Non, ils vont pas appeler, mais au 09 70 407 306, vous oui. pouvez toujours appeler. C'est gratuit, ça mange pas de pain, sauf quand on est boulanger. Oh là là. Non, j'arrête. On a pas fini. Oui, avec oui j'arrête. Truc. T'es vraiment complet, t'es dire. Ouais, je sais. Parlons un peu musique. Parlons instruments de musique avec. Non, pas le piano. Avec les instruments avant. C'est oui. une famille de. Oui, mais après. Bah quoi après? Les instruments avant, mais après. Oui. Bah attends, laisse-le finir. Oh, le con. Elle l'a pas non plus, je crois. Mais oui, les instruments avant qui sont composés des flûtes, des tubas, des tout ce qui souffle dedans, en fait. Et de tout ce qu'on s'envoie dans la gueule qui s'appelle des vents. Oui, effectivement. Aussi. Les instruments avant, particularité, en bois. Oui. Parce que t'en as en cuivre, en métal. Voilà, on a déjà dit que ça n'avait pas forcément la même sonorité selon la matière. Et d'après vous, est-ce que le son change en fonction de l'essence du bois? L'essence du bois, c'est le type de bois. Hein. Dans un instrument avant, attention, la guitare n'est pas un instrument avant. Mm-hmm. C'est un corde. Et en bois, t'as par exemple le poirier, l'ébène, genre de trucs. Parce que ça dépend des bois qui sont disponibles. Ouais, mais bon. Oui ou non? Nous avons un oui pour Daniel, nous avons un oui pour Jade, nous avons un oui pour Kevin. Ça mériterait des explications parce que la note non, mais la résonance... Bon. Oui. Alors, oui. Ça, le bois, ils ont dû utiliser des procédés assez scientifiques et assez récents en plus, hein, pour s'en rendre compte, parce que c'est pas évident du tout. Oui, ça change, mais comment ça change? C'est en fonction de la matière du bois. La densité du bois, peut-être de... Pas la densité, la rugosité. En fait, le lissage, la peau du bois. Non, l'écorce. Non. Pas l'écorce, parce qu'il n'y a pas d'écorce. Mais Non, mais il parlait de la peau, alors bon, je dis l'écorce, hein, bêtement. Hein. Ouais, faut que ça. La texture, vraiment bêtement. La texture, voilà, putain, wow. J'ai cherché. Ouf, Quand tu disais la rugosité, ça allait avec. La rugosité ou le lissage, vois, si c'est lisse, le son va rebondir plus facilement dans la flûte. Rebondir, c'est peut-être pas exactement le bon terme, mais bon, ça ressemble à ça, grosso modo. Et quand c'est rugueux, ça va être un peu plus différent. C'est-à-dire que ça doit être plus ou moins absorbé ou repoussé. Exactement. Le son, oui, rebondit d'une certaine façon. Mais bon, moi, quand tu poses la question sur les bois, je me dis, mais tu prends, on parlait de guitare tout à l'heure, tu prends des cordes différentes, tu prends une folk, tu prends une autre. Oui, oui, t'as pas la même résonance aussi selon les cordes. C'est ça. Mais si, par exemple, il y avait deux bois qui avaient la même... Un la reste un la. Deux bois qui ont la même rugosité. Si ça existe, parce qu'effectivement déjà même d'un poirier à un autre poirier, ça se trouve c'est légèrement différent parce que s'il y en a un qui est plus sec que l'autre. Bah, des gens qui donnent pas toujours les mêmes poires. Alors. Ouais, ça veut dire que si on chaque entendait truc serait vraiment, quasiment unique. Voilà, si on entendait vraiment précisément les différences, ça ferait comme avec la voix. C'est ça. Où nous avons tous un timbre particulier. Voilà. Pour un même la, et ben t'en fais des milliers. Ouais. Mais il a fallu des procédés quand même vachement poussés pour pouvoir entendre au moins ne serait-ce qu'une différence. Mais dis-moi, Teddy, t'as eu des fantasmes avec les poiriers là pour nous en parler autant ce soir? J'aime pas les poires. Ça explique certaines choses. Voilà, si les poires au sirop William, mais à part ça, et je bois que le sirop. Non, les poires William au sirop, pas au sirop William. Les poires. D'accord. Les poires William. Mais je bois que le sirop dedans, moi. Je mange pas les poires. Bref. Deuxième question, et c'est cette fois-ci par rapport aux instruments à cordes. Comment s'appelle le plus grand instrument à cordes au monde? Il y a trois propositions de réponse parce que oui, c'est galère. Oui. Le nickel harpa. Nickel harpa, ouais, c'est ça. L'octobasse. Elle doit avoir 8 côtés, j'imagine. Et le violoncelle. Pourquoi il rigole sur le violoncelle, lui? T'as déjà vu un violoncelle? Oui. C'est énorme. Des fois, c'est plus grand. Ça fait plus de 2 mètres, des fois. Mon feutre n'est gris. Oui, quasiment. Nous avons le même problème. Putain, Daniel. Nous avons un problème purement technique. Je rame. Tu veux le mien en attendant? Nous sommes en train de résoudre un problème logistique de feutre. Merci. C'est la pénurie, c'est la crise. Merci. Merci. Ah, il y a que celui de Jade qui écrit bien parce que c'est ouais, mon noir, moi ça. Perso. Bah bon. Alors pour Kevin, nous avons l'octobasse. Nous avons l'Octobas. Moi, je sais pas écrire le premier mot, donc j'ai écrit le deuxième. Bon, moi, je mène pas chercher. Le Nickel Arpa, ouais. Ah oui, bah. Pourtant, franchement, le Détroit, le Nickel Arpa était le plus intéressant. Franchement, si vous avez l'occasion, allez voir sur internet. Nickel par rapport au métal, enfin au truc précieux là, nickel. Je sais pas, mais il y a tellement d'éléments dans ce truc que je pourrais même pas te dire par où, par quoi. Allez voir une photo sur internet d'un nickel arpa. Ouais. Ça s'écrit effectivement comme le minéraux. Et d'entendre le son. Ouais. Oh, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Bon. C'est très spécial comme instrument. Bon. Par contre, vous avez raison, c'est bien l'Octobass. vous la connaissez, non? Bah non, en fait, alors. En fait, moi, de nom, je me suis dit que. Voilà. Bah, c'est ce qui me paraissait. Le violoncelle, c'était pas gros. Non, bah, mais déjà, la contrebasse est plus grosse que le violoncelle, si je me rappelle bien. Voilà. Se dire où sont les 8 trucs, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est la face avant, enfin, c'est quoi en cette vrai forme de vrai, de 8, je sais pas pourquoi ça s'appelle octobasse, dans le sens où ça ressemble vraiment à un violoncelle, mais en. Alors peut-être trois que fois plus gros. Peut-être que c'est octo, les une cordes. Abréviation d'octave aussi. Peut-être qu'il y a 8 ça cordes. Peut, ouais. Est-ce que ouais, c'est les... par rapport à la pieuvre? Je sais pas. Dans tous les cas, c'est assez impressionnant à voir quand tu vois un humain à côté, dans le sens où il n'en existe que 5 au monde. C'est gros. Ouais. C'est, ah ouais, c'est gros. Il faut être combien pour en jouer? Il faut être 8, c'est peut-être pour ça. S'il y a 8 bras, c'est ça. Les gros bras. Ouais. Un seul, mais c'est assez énorme quand même, tu vois. Ça, tu le tiens pas, je crois. Tu le soulèves pas. D'accord. J'ai un doute. Maintenant, on va parler du piano. Kevin, tu nous en as parlé tout à l'heure. Oui. Les pianos peuvent avoir un nombre différent de touches. Ouais. Mais, au maximum, combien ils peuvent avoir de touches? Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est 77, 88 ou 90? Ouais, Kevin a peut-être été voir la réponse quand il a fait son sujet. J'ai fait des... Ouais, nous avons les trois réponses là déjà, et il manque que Daniel. Daniel, bah t'as... Essaye de copier sur quelqu'un, compte, mais je suis pas sûr on que... On compte toutes les touches. Les noires, les blanches et puis attends, les petites noires. Problème, je pense qu'il problème, toutes les problème logistique je sais, aussi. Je pourrais pas te dire... Problème de feutre. Il peut pas marcher. La seule chose que je peux te dire, c'est pourquoi il y en a pas plus. Alors nous avons 2 fois 77 pour Jade et Daniel, 90 pour Thierry et 88 pour Kevin. Et je vous annonce que c'est Kevin qui a raison, il y a bien 88. Et pourquoi 88? Dans le sens où tu peux décliner ta note, je vais pas dire quasiment à l'infini, mais presque, comme vous l'avez dit, en changeant juste un petit détail, ça change déjà le truc. Donc en théorie, ça serait possible. Mais pourquoi il y en a pas plus? Parce que ça serait injouable. Non, je sais pas. Je sais plus pourquoi. Parce qu'on n'a pas les bras assez longs. Techniquement, peut-être. Ça peut peut-être que techniquement, c'est ça aussi. C'est ça. Non, mais c'est dans l'intérieur du truc. Ils peuvent pas trop faire en sorte que ça se différencie tant que ça. J'ai du mal à vous expliquer. Mais quand on ouvre le coffre, qu'on voit déjà toutes les cordes tendues. Bon, peut-être qu'il y a un moment un peu plus tendre. C'est une bombe à retardement, le bordel. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Bah bon, 88 après, touches, c'est le maximum pédales, qu'on s'est imposé. Des variantes, enfin, c'est possible de faire plus, mais ils le feront pas. D'accord. Ouais, c'est ce qu'il faut savoir. Oui, bah moi je prenais soin d'eux, j'en mettais moins, c'était plus facile. J'en mettais 3. Bon, 88 et 90, bon. Hein. C'est vicieux celle-là, je l'avoue, mais c'est pour ça que je l'aime. Maintenant, on va parler de violon. Un de mes instruments préférés. Vous avez sans doute écouté déjà du Lindsey Stirling sur Indestar, oui, parce oui. que j'en ai peut-être un peu abusé. Oh, on n'en a pas eu dessus. Ce soir. Oui. Oh, va falloir en mettre. En primaire, oui. Ah, si vous me tentez, faut pas. Hein. T'as fait du Lindsey Stirling? Oui. Ok. Lindsey Stirling a joué du violon comme une déesse, hein, évidemment. Bah oui. Pour moi, c'est alors du violon. On l'a carrément rabâché la première fois qu'elle a joué du violon. On l'a dit, tu vas servir à rien. Et là, boum. On l'a rabaissé, pas rabâché. Ouais. Oui. Ah ouais. Ouais, non, mais t'es fatigué. 23 heures, franchement, moi demain je me lève. Franchement, on n'est pas sympa. Hein. On n'est pas cool. Ouais. Donc, Lindsey Stirling qui a un violon. Mais, avec son violon, elle a un bout de bois avec une corde. Mm-hmm. Ah. Comment ça oui. s'appelle? Un fouet. Je sais. Vas-y, donne les propositions. Il n'y a pas de proposition de réponse. Parce que ça, vous devriez le savoir sans problème, je pense. Comment s'appelle l'instrument avec lequel on joue du violon? Et non, c'est pas tes larmes, Kevin. Non, mais le pire, je sais. Ouais, ouais, ouais. Ah, et là, vous avez donné toute la réponse. Est-ce que je compte les fautes d'orthographe ou pas? Oui. Ouais, ouais, vu l'heure qu'il est, tu peux les compter, Eva. Bah quoi, ça vous compte faux si vous... Non, non, tu les comptes pas, je veux dire. Non, mais tu comptes pas, tu comptes bon, je veux dire. Parce que nous avons que Thierry qui a la réponse avec l'orthographe, clairement. Mais oui, c'est un archer. J'archer. Ça aurait pu être un arc, en vrai, ça ressemble quasiment à un arc. Mais non, c'est l'archer. Pas de bol. Honnêtement. Ah, bah c'est ton arc à une corde que tu parlais tout à l'heure. On a l'impression d'une scie parfois, mais ça ne coupe pas les cordes. Non, mais bon, c'est un archer. Allez savoir pourquoi. Se fait en corde de je ne sais plus quoi. Hein, voilà. Souvent, super les infos. Non, souvent, c'est en crin de cheval. Il y a du crin de cheval, il y a une autre matière parce que le crin de cheval, c'est plus aussi à la mode que maintenant. C'est plus trop à la mode le crin de cheval. Non, mais je restais. Fut une époque, oui. C'était une réponse vintage. Oui, voilà. C'était vintage. J'aime bien la réponse vintage. Dernière question pour tenter de vous départager parce que du coup Kevin était en tête avec 3 points. Là vous êtes tous à 3 points. Voilà. Ouais, mais en fait, tu sais pourquoi j'ai pas retrouvé? C'est pour le suspense. Voilà. Je suis beau joueur. Mais oui. Ouais. Est-ce que t'es aussi bon joueur? Je veux bien, mais. Voilà. Est-ce que t'es aussi bon joueur de guitare que Matthew Bellamy? Ou Bellamy? Bellamy, je dirais. Je crois que c'est Bellamy, ouais. Ouais. Joueur de guitare du groupe Muse, un peu plus récent. Oh, je le connais. Oui, je pense que vous le connaissez parce qu'il a un certain record. Le nombre de guitares cassées. Oh, bah oui, un flair. Voilà. Combien d'après vous il en a cassé? J'ai 3 propositions de réponse. Ne vous emballez pas. À moins que j'en donne pas. Non, je sais pas. Vous les voulez ou pas? J'ai chanté qu'une chanson de lui. Moi, je vais faire psychologie inversée. Je vais dire non. Bon bah c'est non. Oui mais moi j'ai dit oui. C'est vrai ça. Donc il manque Thierry et Jade pour vous départager. Est-ce que vous voulez 3 propositions ou sinon on fait celui qui est plus proche? Je veux bien parce que je sais pas combien de concerts ils ont pu faire, moi non plus. Y compris les tournages sur les bateaux et ailleurs, parce qu'ils ont fait des trucs grandioses quand même. Ça veut pas dire qu'ils cassent ses guitares tout le temps. C'est ça le truc. Si ça se trouve, si, je sais pas. Ça doit le démanger, ouais. Parce que est-ce que ça serait c'est pas 140 par hasard? C'est lui qui chante, j'ai la guitare qui me démange. Alors je batte un petit peu. C'est possible. Est-ce que ça serait 140, 177 ou 292? Oui, il abuse. Même déjà, 140 guitares. En plus, il doit pas prendre de la merde. Hein. Il doit pas aller prendre à Ikea. Sans doute qu'il prend des Gibson ou genre de trucs. Donc oui, il casse des bonnes guitares. J'imagine. Donc, nous avons du 177. Ça me rappelle un autre personnage, Axel Bauer, dans une émission de télé où il n'y avait pas de retour. Je sais pas quoi, il s'est énervé. Il a pété sa guitare électrique en direct. Waouh. Nous avons 3 fois 177 et il y a juste Jade qui met 292. Par logique, je me dis c'est bizarre, les deux premiers nombres ils se ressemblent vachement et celui-là il est très précis. Ouais, bah t'as vu tout à l'heure 88-90. C'est ça. Ah, mais attendez, merde, il y a aucun de vous trois qui l'a, c'est 240. J'étais en train de me dire putain, il y a 3 égalités. Bah non, en fait, c'est 140 en fait. Dit, bah pourquoi tu... Le pire, je disais à Jade, imagine on a aucun de nous qui a la bonne réponse. Ouais, ça pourrait être tellement drôle. Voilà. C'est fini, au revoir. En même temps, les gens qui ont vu les 140 faux, les non, mais là, attends, Jade est là pour une fois. On va pas y prendre le risque de la faire perdre quand même. C'est ça, mais je vais te poser une question à toi. Elle Jade est déjà tellement perdue. Si ouais. Allez, Jade, cite-moi un instrument de musique écossais. Ah, bah c'est facile. Tu sais, le sac là, oui. Qu'on souffle dedans. Oui. Tu sais les animaux qu'on dit sur la tête là, avec le groupe de Mathieu Bellamy. Mathieu Bellamy. C'est les bœufs avec le... Cornemuse. Ouais. T'as tiré qui te mine les cornes et t'as le groupe Muse. Trop bien fait le truc. Cornemuse. Mais je suis en train de réfléchir, j'allais dire cornes. Et combien les cornemuses ont pété de guitare? Donc oui, les cornemuses. Les Irlandais ont... C'est l'histoire que tu gagnes, mais en vrai, voilà, c'est tout. Combien les Irlandais ont pété de guitare en buvant de la bière? C'est pas faux. Déjà qu'ils sont en jupe et j'adore leur jupe, hein, parce que clairement t'es... Non, ils sont leur kilt. C'est des kilts. Va pas leur dire qu'ils sont en jupe. C'est une kilt. Jupe pour hommes. Hein, en apparence pour les franchouillards que nous sommes, c'est une jupe. Mais c'est très bien parce que les balls, s'ils sont à l'air, c'est nickel. Franchement, ça se balade. Les kilt cat balls. Oui. Et le motif du kilt s'appelle le... Vous savez. Tif. Le motif sur le motif sur le kilt. Les carreaux, ça vient pas du... Ces espèces de carreaux, ça s'appelle du tartan. Oui. Ah ouais. Et en fait, c'était différent selon, je veux dire, le village, selon la tribu. Hein, y en avait, les traits, c'était plus ou moins près ou genre de trucs. Les couleurs, tout ça, il y a tout joué, l'épaisseur, les couleurs, tout. Comme tout quoi, même dans Peck Avenger, on apprend aussi des trucs sur la couture. C'est ça. On apprend de tout sur Peck Avenger. C'est sous toutes les coutures, la Peck Avenger. Oh, sous toutes les coutures. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. Oui. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas, hein ? Franchement. Alors, vous ne l'avez pas vu parce que c'est normal, vous ne voyez pas. Par contre, je viens de recevoir une ardoise magique qui vient d'arriver toute seule dans le studio. C'est l'araignée qui l'a descendue. Non, il m'a dit un message très intéressant. Faudrait faire un bootleg entre Muse et Korn. Et ça ferait corps de Muse. Oh mon dieu. Franchement. Alors déjà, on fait ça pour le jeu de mots là. Tu fais péter du popcorn tout en mettant du Muse. Et puis on voit ce que ça donne. Je vous fais ça pour l'émission de la semaine prochaine. Tu nous fais un corn du Muse. Ouais. Tu connais les deux? Parce que corn, je connais pas moi. Si, je connais. C'est vrai? C'est bien corn. Ouais, c'est bien corn. C'est bien. On en a parlé dans l'émission. Pierre Champion. Voilà, c'est ça. Corn Muse, c'est ça. Mon dieu. Moi, ce que je te propose, Kevin, c'est de faire un petit récapitulatif de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans les émissions? Après tout, le reste, on s'en fout. Il y a que le jeudi qui est important. Voilà, que Peck Avenger. Alors, on va la faire autrement. J'ai besoin que tu meubles en attendant que je cherche une musique de Lindsey Sterling. Bon, le lundi, il y a Starter avec toi, Teddy et Théo. Ouais, c'est vrai. Ils sont. Donc, le mercredi, il y a Actu Solide. Où ils font des enquêtes et ils vont chercher à résoudre l'enquête. Le jeudi, donc il y a Peck Avenger, comme toujours. De toute façon, toutes les émissions, c'est de 21h à 22h pour Starter. Et les autres, c'est de 21h à 23h. Pour les autres, voilà. Voilà. Seulement pour les autres ? Et ouais. D'ailleurs, on peut expliquer ce qu'on va un petit peu lever le voile sur la semaine prochaine ? Oui, ça, oui, totalement. Ouais. Vu que semaine prochaine, on va parler des addictions. Des addictions ? Ouais. Des addictions. Ouais. Toi, t'en as une addiction, non ? Pas les addictions, j'en ai addictions. Pas qu'une, j'en ai deux. Ah ? Oui. Tu vas dire à la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, bah oui, totalement, vu que bon ça c'est quoi, je suis dégoûté, j'ai pas le temps de trouver un Lindsey Sterling. Tu trouveras pas. Ouais. Ouais. Et si. demain, c'est ça, il y a. Oui. Demain, il y a aussi une spéciale. Ah bon ? Oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, pour savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. D'accord. Oui, ça va parler nutrition. Ouais. Ah. Donc, ouais. Ça te concerne aussi. Oh. Ouais. Toi aussi, Jade, peut-être, non ? Non. Non, nutrition, ça va ? Peut-être ma pote, mais pas ta maman. Non, mais ta pote. Jade, elle s'en fout. Comment elle balance ? Non, mais elle mange plus, Jade, de toute façon, elle s'en fout. J'ai jamais faim. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Franchement, c'est rare quand j'ai faim. Alors, j'ai ramené des petits carrés au caramel. Non, je arrête, en plus, j'ai pas mangé, donc du coup. T'as jamais goûté mes brioches non plus ? Non. C'est pas grave, on en parlera plus tard. C'est brioche, pas ça, brioche, hein, c'est important. Oui. Non. C'est important. Non. On vous l'a promis, presque, hein, parce que j'ai galéré à le trouver. Ouais, galéré, ouais. Un petit Lindsey Sterling avec Good Feeling, donc une reprise de qui, je ne sais pas, mais on écoute cas, ça. On se dit à la semaine prochaine. Donc bisous. Salut tout le monde. Bisous, salut. Ciao, ciao. Salut. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.